Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 80 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Eh oui, RQC1, RQCN, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il est effectivement 20h et nous sommes à l'heure, puisque 80 est à l'heure. J'espère que vous allez bien, donc c'est, vous m'avez certainement reconnu au niveau de la voix, c'est Canon. Exceptionnellement, là, je prends la place de Harry, parce que il va nous rejoindre dans quelques instants, il est occupé. Il a aussi une vie professionnelle, ce garçon. Donc, ah c'est bon moi. Bah, ouais, non, mais on ah m'a bon dit. On il m'a a dit... une vie déjà? Ouais, on m'a dit de dire ça là. Non, mais on m'a dit de dire ça à la radio. Ah, ok. Donc, tu te souviens, la petite enveloppe. Ah oui, donc, d'accord. Voilà. Donc, vous avez reconnu sa voix aussi. Nous sommes en compagnie donc de Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah, ça va, en pleine forme. En pleine forme. La vie est très très belle, elle est magnifique, elle est formidable. Et vous avez reconnu aussi la petite touche de voix féminine que vous commencez à entendre depuis. Ça fait 3 émissions et avec Onissa. Salut Onissa. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sorry pour la voix, mais je suis enrhumée. Oui, on entend. Tu as enrubé. Enrubé, c'est ça. Enrubé, c'est ça. D'accord. Tu toutes les semaines, elle va nous trouver une excuse. Non, mais là, franchement, c'est vrai, j'ai une crève pas possible. Alors, elle a des nodules, elle est enrhumée, elle a eu un rapport un peu trop violent. Enfin, c'est la femme parfaite. C'est la femme parfaite. C'est parfait. Et nous sommes aussi en compagnie donc de Flipcat. Hein. Eh oui, bonsoir à tous. Salut, tu vas bien? Bah, ma foi, il va bien. Mon foie, il va bien aussi, malgré un week-end chargé. Mon foie va bien pour l'instant. Flipcat est chargé, son foie va bien, tout va bien, etc. Donc voilà, on espère que vous avez passé aussi une bonne semaine. Enfin, la semaine dernière surtout, puisque c'est vrai que notre émission, le format, c'est le mardi. J'ai toujours tendance, c'est vrai, je me suis toujours dit une émission le vendredi soir. Je trouvais ça sympa aussi. C'est vrai que nous, on est festifs. Et ça permet de dire, vous avez passé une semaine et maintenant on va décompresser. Mais nous, non. On est votre petit rayon de soleil après ce lundi, ce lundi et ce mardi horrible. Mais non, pas si horrible que ça. Bah, un lundi, un mardi, c'est horrible. C'est pas un vendredi soir, ni un samedi, ni un dimanche. Oui, mais enfin, parfois, le dimanche soir, c'est vraiment horrible. Suivant le week-end. Tu vois ton mec le lundi, c'est ça? Non, non. C'est juste l'accumulation du week-end. Ah oui, d'accord. Ah, tu le vois le week-end. C'est l'accumulation du week-end. Donc voilà, donc on va revenir aussi en compagnie de Harry tout à l'heure, avec des petites nouvelles aussi. On va vous parler d'un événement sur la Blomerie, c'est Onissa qui nous en parlera tout à l'heure. Revenir un peu sur l'événement, il y avait des places gratuites qui ont été gagnées par des auditeurs, ça je vous en parlerai. On va venir aussi, comme d'habitude, avec dans l'ordre d'apparition, donc Sherlock qui nous parlera de... Des sorties ciné, des sorties Belgique ciné. Et France, donc ce sera 21h. À 21h, d'accord. Et à 22h, j'essaierai de vous faire deviner un film, à mon avis ce sera facile. Oui. Vous allez trouver assez rapidement. Bon, le à part Onissa qui connaît aucun film des années 80. Ouais. Mais aucun film ni des années 80, 70, 90, 2000. Pourtant, non. Ah ouais, c'est vrai. Moi je me souviens bien, dans le truc de recrutement, on avait demandé une qui n'est pas trop bi. Fallait pas prendre une blonde. T'es pas blonde, t'es blanche. Il date de 86. Il date de 86, d'accord. Ouais. Et la chronique de Flipcat aussi, donc oui. Et tu vas nous parler de... Eh bien, en fait, je reprends une chronique que j'avais déjà faite il y a quand même un petit moment, à mon avis, j'ai pas la date là en tête, parce que je vais vous reparler ce soir des B-52s. Je n'ai pas eu d'autre choix, puisque j'ai un PC qui plante, j'avais tout ce que je fais au niveau saisie pour mes chroniques, c'est perdu à chaque fois. On va faire une chanson. J'ai le PC qui plante, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai le PC qui plante, dansant sur le banc. Vous connaissez cette chanson, non? Ça pas commence fort, oui. Vous la connaissez ou pas? Oui, je la connais. Mais pas avec le PC, par contre. Non, voilà. Avant, tu la connais comment? Alors, c'est quoi? J'ai la quéquette qui colle. Ah, oui, il me semblait bien. Ça, c'est original. Et tu fais quelque chose, Sherlock, pour ou... Maintenant que t'en as parlé. Donc, voilà. Alors, on va passer donc une très très bonne émission. On va faire aussi, évidemment, des intermèdes musicaux, parce que vous aimez aussi la musique. Vous avez pu voir apparaître aussi récemment sur 80 heures une nouvelle touche de couleur un peu plus dark sur notre page, hein, puisque Sherlock, rappelle-nous, on peut la retrouver. À la page, oui, page Facebook. Pas l'affiche. Sur Facebook. Écoute, vous allez dans le petit champ de recherche qui est en haut et vous tapez 80 à l'heure, vous tombez sur la page, voilà. Vous cliquez sur j'aime et ensuite vous commentez à tout va. Voilà, à tout va. Toutes nos actions. Même, j'allais dire, si vous avez une idée de pseudo pour pour Onissa, pourquoi pas. Ouais. Alors sa voix, quand vous l'entendez, elle vous évoque quoi? Bon, c'est connerie, on a compris, mais c'est bien. Mais sa voix vous évoque quoi? Donc ça serait bien de lui trouver un petit nom. Donc les gros mots ne sont pas permis. Hein. On a un filtre. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je tape, il n'y a jamais un commentaire qui apparaît. Je ne comprends pas. Alors sachez aussi que les commentaires, on essaie d'y répondre, mais c'est vrai qu'on est à l'antenne, donc on a tendance à le faire plutôt hors pause. Hein. Si vous voulez nous appeler aussi, n'hésitez pas, mais c'est toujours pendant la petite pause musicale. C'est plus facile pour nous pour vous répondre. Donc voilà. En attendant, qu'est-ce que tu... Oui, donc je disais, vous avez dû voir sur la page 80 à l'heure qu'il y a un nouveau format, un petit peu de colorimétrie. Non, pas même tout. Pas. Eh bien, bravo les animateurs. Si, moi je l'ai vu, je t'ai même dit que j'adorais le nouveau logo. C'est vrai? Ouais, ouais, j'ai mis un petit cœur là. Ça je l'ai pris pour moi. J'ai pris pour moi, Sherlock. C'est tout. Je le trouve super. Tous les petits cœurs que tu m'envoies à 3h du matin, tes fesses, les photos. Ah c'est ça, toi. Ouais. C'est pas des cœurs que tu m'envoies, c'est des zizi. C'est bizarre. Bah, je trouvais ça bizarre aussi. Ma vie est un zizi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà. Non, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose de bien. Donc dites-nous ce que vous en pensez, parce que j'ai travaillé un petit peu graphiquement sur une autre idée, parce que je trouve que la première était un peu l'ébauche, mais elle est pour peu, peut-être un peu trop 80. Des gens m'ont dit que c'était joli, après vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à vous lâcher. Si vous trouvez ça nul, vous dites c'est nul. Voilà. Okay. Qu'est-ce que tu nous as conquis? Toi, tu te tais. Eh ben, tu dis est-ce que bien. Vous savez que c'est l'anniversaire d'une star aujourd'hui? Enfin, comme tous les mardis, il y a toujours des stars. Ouais. Eh bien, c'est l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman. Il fête aujourd'hui ses 65 ans. Wow. Donc, 65 ans quand même. 65 ans, ouais. On dirait pas, hein. Il a trop sonné sur Gibson, lui. Et donc, je vais vous passer Il suffira d'un signe, qui était la première chanson qu'il a passée. C'était à l'émission de Michel Drucker à Champs-Élysées. Voilà. Il a chanté ça, donc Il suffira d'un signe. Et ensuite, on va faire un petit bond dans le temps avec Prince et 1999. Voilà. Donc, pour te dire, je te mens pas, mais je le savais parce que ce matin, j'étais en direct à midi, j'étais en train de jouer du Goldman au piano. Je sais pas, non, t'as pas vu sur Facebook? Alors, j'ai vu plusieurs vidéos, mais j'ai pas le temps de regarder. J'ai lancé parce que quelqu'un m'avait demandé justement aussi pour une autre émission, mais qui est pas d'ici en Bretagne, d'essayer de faire un truc que j'ai complètement raté, mais ça ressemble un peu. Ok, donc voilà. Bon, on se retrouve tout de suite après ça. Allez, c'est parti. Thank you. Bonjour, c'est les frères Taloche. Ça, j'aurais pu le dire aussi. Et nous sommes avec Harry. Mais sur RQC 95 FM. Tu l'as mal dit. Comment? Sur RQC 95 FM. On peut pas dire 95. Ah, tu vois, 95. Bah, redis-le alors. Salut, c'est Bruno Taloche avec Harry sur RQC 95 FM. Oh, tu fais bien. Voilà. Allez, au revoir. À bientôt. Eh bien voilà. Je vais te donner, comme on dit dans le loft, et maintenant nous allons entendre la voix. Pas Daniel la voix. Ah, il y a Harry qui est à côté, tu sais, il va faire aussi le con comme on avait fait il y a une quinzaine de jours, c'est qu'il a décidé de ne rien dire. Bah c'est, écoute, c'est une très bonne chose. Donc le nominé est ouais. Canon. Canon, vous sortez du loft. Ah ouais, ouais, fifi. En tout cas, bonsoir à tous, évidemment. Salut, comment tu vas? Bonsoir Harry. Ouais, bonsoir Ronissa. Bonsoir Harry. Bonsoir Canon. Ouais, salut. Salut Flip 4, ça va? Ouais, bonsoir Harry, ouais, ça va, ça va. Et super, toi, ouais. Charlotte, t'es toujours là? Oui, toujours, bah ouais. Et bon, Canon, pour ta gouverne. Oui. Ton enveloppe, tu peux t'asseoir dessus. Hein. Mon enveloppe, je peux m'asseoir dessus, d'accord. Parce que tu me parlais d'enveloppe, là, oui. En intro, comme si j'allais te donner une enveloppe. Non, t'as mal saisi. C'est combien, Sherlock, dis-lui, on touche régulièrement pour être sympathique avec toi, dire que t'as du talent, ouais. Que tu t'exprimes bien, que t'es l'orateur principal, que t'es plutôt... Alors je sais pas ce que tu touches, mais pas de l'argent. Non, c'est qui je touche. Voilà, c'est ça, exactement. Bah, déjà, je me touche, et après Sherlock parfois, mais après ils sont en colère. Alors, une belle programmation, j'ai vu, hein, effectivement. Avec, donc, moi, je vais vous annoncer la chronique de Canon, parce qu'il n'en a pas parlé. Et oui, bah non, t'étais pas là, c'est à toi à présenter ma chronique. Hein. Voilà, tu sais que je suis très, très. Ah, ben, je le ferai sans problème. C'est d'ailleurs, tu vas la faire d'ici 2-3 minutes. Oui. Moi, je vous parlerai aussi de plein de petites choses. Je vous parlerai, ben, évidemment, de ce qu'on a vécu ce week-end, puisqu'on a eu l'occasion donc, de faire le congrès, parlons-en, hein, des sapeurs-pompiers de Maubeuge. Oui. Qui n'est pas rien. Qui n'est pas rien. Voilà, avec une belle soirée autour d'un DJ. Qui est quand même assez sympa, il y a un saxophoniste qui n'est pas rien. Ouais. Je vous parlerai aussi tiens, de Fou Rire Garanti, parce que c'est vrai que la saison est repartie. Il y a une belle programmation pour cette saison. Alors, ah oui, oui, Garanti, oui. Ouais, donc, organisé par Laurent Arduin, donc je vous en parlerai. Je vous parlerai aussi également donc, du salon commercial de Waterloo, hein, oui. Parce que j'en ferai partie, enfin, je ferai la présentation avec une partie du groupe Évasion. Une infime partie, mais bon, on en parlera quand même. Pas la plus belle. Pas forcément, j'espère pas forcément. Qu'il nous écoute. Oui, il nous écoute peut-être au passage. Et je vous parlerai aussi d'Eddie Meuss. Ah oui, le fameux Eddie Meuss. Oui, voilà, vous parlez de... Ce qu'on ne sait toujours pas exactement. Voilà, ce qui a été créé en 1975 et qui aujourd'hui fait encore parler de lui. Voilà. Les Emmaüs. Mais ça, je vous en parlerai entre deux chroniques, hein, évidemment. Oui, oui, à l'occasion. Ben oui, oui, hein, oui, absolument. C'est cela, oui, à l'occasion. Voilà. Eh bien, Canon. Oui. Alors, tu nous as préparé une petite chronique. Ouais, ouais, c'est venu simplement. J'étais en train de surfer sur le web il y a trois jours de ça, et en fait, j'écoutais des séries, et en même temps, je pensais, parce que tu as fait un sketch désopilant, justement, à la soirée des pompiers, ah, oui. Voilà, qui s'appelle Dors, bébé, dors. Alors, voilà. Et je me dis, tiens, ça serait l'occasion de rebondir un petit peu de ça, mais c'est pas du tout le même thème. Mais me dire, on va essayer de revenir sur les séries, et vraiment, les choses des années 80. Mais en même temps, c'est pas un quiz, mais voir un petit peu votre culture, parce que vous allez reconnaître, évidemment, j'espère, les titres. Oui, Sherlock, il dit j'espère, il a les titres devant son nez. C'est pour ça. Alors, non. Je m'explique, c'est que moi, quand je fais ma chronique Ciné Rétro 80, pour même si je ne suis pas derrière la tablette, je mets 1, 2, 3, 4, 5. Comme oui. ça, même. Oui, mais moi, les gens ne savent pas. Sherlock. Mais voilà, parce que. Non, mais c'est pas le but de les deviner. On va lancer, je vais vous parler un petit peu des. Bah, vous remémorer ces séries qui ont vraiment été un peu les plus grosses séries des années 80. Il y en a d'autres, vous allez m'en citer d'autres, et je les referai pas la semaine prochaine, mais je reviendrai sur d'autres, parce que ça fait quand même des milliers d'heures, j'ai calculé à la fin, des milliers d'heures et de nombreux d'épisodes, mais on se rend pas compte que ça pouvait prendre en temps les séries. Hein. Donc si tu peux lancer, bah, par exemple la première, moi je propose aux auditeurs, bon, on va laisser, alors c'est très long, j'ai à chaque fois, je te le dis Sherlock, j'ai le jingle complet de 3 minutes, donc le but c'est, tu le laisses un petit peu, puis après tu le fades, et puis j'explique, et après on coupe, et on passe à l'autre. Alors, à quoi ça vous fait penser, cette série des années 80? Bah, au titre qui est marqué en haut de ta tablette. Ouais, c'est pas drôle. Non, c'est pour ça que je le dis pas, moi. Voilà, je voulais savoir c'est une série où il y a eu plusieurs saisons. Ça, c'est pas la première saison. Hein. Non, mais c'est celle qui est quand même la plus connue des années 80. Oui, d'accord, mais le générique qu'on entend là, c'est pas celui de la première saison. Non, allez, non. Du tout. Sorti le 20 septembre 1984, donc à TF1, hein, parce qu'après il y a d'autres choses au Québec, c'est compliqué. De 1984 avec 201 épisodes, c'est The Cosby Show. Ah, c'était M6. Oui, c'était M6, Cosby oui, Show. Je suis pas rentré, ouais, voilà. Alors tu vois, moi je suis synthétique, c'était M6 par Karl Lagerfeld, alors le balayeur. Donc c'est diffusé le 25 septembre 1984, c'est possible que ça soit par M6. Alors cette sitcom met en scène en fait le quotidien des Huxtable, je sais pas si ça Huxtable, ouais, c'est ça. Voilà. Une famille afro-américaine qui vit à Brooklyn. Le père Heathcliff est un médecin gynécologue et sa femme Claire, avocate, vivent avec leurs enfants dans un foyer un peu agité mais heureux. C'était The Cosby Show avec Cosby qui est décédé, je pense. Non, pas du tout. Il n'est pas décédé ? Il n'est pas décédé. Et là, il est en procès pour attouchement sur des mineurs à l'époque. Il est mort, voilà. Donc il est mort. Il est mort médiatiquement, on va dire. C'est Bill Cosby, c'est ça. C'est Bill Cosby. Donc ça a quand même été. C'est un petit peu plus vieux, mais ça a été une série monumentale à l'époque. Il y en a une seconde qui va suivre. Elle est en anglais, là, la version anglaise. Écoutez bien les paroles. Oui. Dans le refrain, vous j'étais avez fan. Dans le refrain, vous avez le titre en anglais. Là. Quand on save on the bell, sauvé par le gong, absolument. Manger. Ah, pas du tout. C'est pas dans celle-là. Ah non. Sauvé par le gong, c'est pas dans celle-là. Kubiak, c'est Parker Lewis ne perd jamais. Absolument. Est-ce que vous savez comment s'appelait à l'origine cette série? Ça vous parle? Ça n'a rien à voir, hein? Non? Non. C'était Bonjour Miss Bliss. C'était et en français. Bonjour Miss Bliss. C'était pas Hello Miss Bliss. Hein. C'était Bonjour Miss Bliss. D'accord. Il s'agissait d'un pilote pour NBC, mais ça avait été traduit en français. Voilà. C'est un peu obscur. Hein. Il voulait mettre à l'antenne une sitcom centrée sur un professeur sympathique, mais la chaîne ne donnera pas suite à ce pilote à cause de mauvais taux d'audience. Très rapidement, Disney Channel est intéressé, rachète les droits, tente le machin, ça marche pas. NBC rappelle alors le producteur, Peter Angel. Bon, je le connais pas pour autant. Il lui demande de penser à une nouvelle version. Et là, ils se disent ouais, mais Miss Bliss, c'est un peu compliqué. Ils se disent on l'a on garde les gens originaux, les personnages, Lisa Turtle, Jack, Maurice, Scratch, Powers et Belding, si ça vous parle. Il y avait Pike Scratch. Aussi, non? Pardon? Ah non, je confonds à chaque fois. Non, avec voilà. Les années collège. Et surtout... Ah ouais, alors, alors voilà. Lui, il nous fait des mix de plusieurs séries. Et surtout, le professeur Zach Morris, puisque tout non, tourne... Non, c'était pas un prof, c'était un élève. Non, lui, c'est un prof... pardon, Zach Morris, oui, excuse-moi, c'est l'élève. C'est le professeur Belding. Tu as raison, Belding. C'est Belding qui est le... Et comme quoi, lui, c'est vraiment Wikipédia. J'étais fan de toutes ces séries. Bah, limite, ouais, quasiment toutes les séries que je vois là, j'étais voilà. Fan, donc... Alors, une très très compliquée. Alors, j'ai quand même voulu mettre quelque chose que vous n'allez pas reconnaître tout de suite. Donc, tu vas laisser un petit peu la musique, parce que bah là, il va leur falloir du temps. Voilà. Oh. Ah. Nasty. Voilà, ouais. Nasty. Nasty. Bah oui, vous l'avez reconnu, c'est Dallas, hein, qui a été diffusé. Est-ce que vous savez quand? Oh, pas là, le jour, évidemment, mais le samedi. Le samedi soir. C'est un samedi. C'est un samedi. Alors, c'était le samedi sur TF1, ouais. Ouais. Absolument. Donc, c'est un mercredi en 1981. Ah, oui. Le 24 janvier 1981, vous pouvez vérifier, c'est un mercredi. Et jusqu'au 12 août 87. Donc, seulement 6 ans, hein, mais avec 357 épisodes. Énorme. Alors là, et c'est le seul truc où j'ai rien pris d'aller chercher. Bah oui, J.R. Ewing, Padmela. Tu as encore sous Hélène. Sous Hélène. John Ross. Absolument. Ouais. Et John Ross Junior aussi. Voilà. Il y avait l'homme de l'Atlantide aussi qui buvait pas que de l'eau. Patrick Duffy. Patrick Duffy. Qui a joué. Voilà. Donc, ça, Dallas qui était on est classé troisième hein. Troisième hein, au niveau série, au niveau écoute. The Cosby Show est le premier. Ah ouais. The Cosby Show, c'est alors je suis pas rentré dans le nombre de téléspectateurs et machin et tout ça. C'est vrai. Vraiment c'est vrai. Ah j'aimais bien moi. Ah si c'était bien. Non, lui il rentre, c'est le mec super gentil, il adore sa famille, mais il est blasé le gynécologue. Et donc lui il est comment je pourrais dire, c'est un mec un peu cartésien. Non on est sur Dallas, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, parce que... il est un peu cartésien. Il rentre JR. Sur lui, t'as JR en train de se prendre sous Hélène fête et tout ça. Allez un autre que vous devez connaître. Pas le champ de mec, oh, de la bagarre. Ah oui. Faut pas me pousser trop loin du bois, et faut pas me chercher. C'est ça passé dans la unité. Nous sommes en 1980, nous sommes en 1982. C'est vrai qu'en fait, c'est passé sur Antenne 2, je crois, au départ. Absolument. Et c'était dans l'émission. Elle est encore connue, hein. Sur la 2. Dimanche Martin. Voilà, c'est sorti en fait le 19 septembre 1982 dans Dimanche Martin. Hein. Donc 111 épisodes de 50 minutes, bref, c'est une série télévisée américaine. L'histoire, vous vous souvenez certainement du nom du héros principal? Colt Severs. Absolument. Ouais, mais si tu l'as clé, parce que toi, il va. Ah bon, bah d'accord. Alors, c'était quoi sa profession? Cascadeur. Qu'est-ce qu'il faisait en profession Flipcat secondaire ou Onissa? Détective, non? Absolument. Chasseur de primes. Chasseur de primes. Il était chasseur de primes et puis voilà, donc c'était le cascadeur, chasseur de primes, etc. Voilà. Là, il y avait une particularité aussi dans ce film, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de scènes de cascade qui étaient tirées d'autres films. Et ça, on a oublié. Ah, je sais pas. Oui. Je sais pas. Absolument. Ouais, c'est vrai. Oui, j'ai jamais fait gaffe. Oui. Ouais. J'étais jeune, hein. En fait, par exemple, vous avez dans le générique, vous avez dans le générique, donc, de l'homme qui tombe à pic, et vous regardez bien une scène qui est tirée de l'aventure du Poséidon. Où il tombe du haut, qui tombe à pic d'ailleurs en plus sur une grande verrière. Ouais, et c'est une scène qui est retirée de l'aventure du Poséidon. Ah oui, alors non, je crois qu'ils ont été retournés en fait dans absolument le. Absolument pas. C'est exactement la même scène. Ah si. Et il y a plusieurs scènes. Plusieurs donc, scènes qu'on voit, enfin dans les cascades, c'est tiré de films. Alors, Harry souvent, Antoine c'est films Sherlock. D'accord. Je vous fais le playoff. Hein. Harry Antoine Sherlock, Sherlock prend les cheveux d'Harry. si, c'est bon, c'est donc. Donc voilà. Non, je pensais que ça avait été retourné dans le style du film. Absolument pas. Alors, j'avoue, moi je suis un passionné, c'est là que je trouve aussi que je vieillis un petit peu. C'est vrai que quand je l'entends, je me dis j'ai plus les sensations. Et c'est vrai que ça a quand même été à l'époque l'homme qui tombe à pic. Enfin, je me souviens, j'étais gamin avec mes parents, là, on mangeait le poulet, le machin, entre. Quand plus gamin, c'était Starsky Hutch, mais après, c'était L'homme qui tombe à pic. Et puis vous avez après Adolescent, enfin moi, Adolescent, vous étiez encore dans les trucs de votre père, mm-hmm. pour non, certains. Non, non. On était même pas en projet. Toi, t'étais marié, 5 enfants. Toi, c'était le dimanche, moi c'était le roast beef mocha. Ouais. Ah ouais, ouais, mais moi moins quoi. Donc c'est celle-ci. Allez. J'adorais ça. Ah bah oui, mais ne dis pas simplement le titre, parlez-moi un petit peu. Dire, alors, avec le chevalier Salope, solitaire. Un chevalier solitaire. Absolument. Dans un monde dangereux. Et c'était, on dit ça, ça parle et sinon c'est... Non, c'était K2000. La voiture. Oui, avec le beau bras. Pontiac Transam de 4 mois maintenant. Alors, c'était The Knight Rider, qui était une série télévisée toujours américaine de 90 épisodes. En France, la série était diffusée à partir d'avril 1986. Oh, 84. Bien joué. 86. Ah ouais ? 2 avril 86. Sur la 5. Ouais. C'était à fond la caisse sur la 5, dans l'émission à fond la caisse. Donc... l'histoire, Michael Long est officiellement déclaré mort, il se remet après plusieurs opérations dont une de chirurgie plastique où son visage est façonné à l'image de Garth Knight, un criminel psychopathe en froid avec son père. Ah bon, eh oui, Michael Long devient alors un combattant du crime sous le nom de Michael Knight, le chevalier Michael. Il est aidé dans cette mission d'une voiture qui est nommée... Kit. Kit. Kit, ah oui. Knight Industry 2000. Pardon ? Knight Industry 2000. Absolument, absolument. Non, je suis pas cassé, tant mieux. Non, mais lui, c'est une vraie Bible. Hein, mais lui, il passe sa vie dans ses séries. Quoi. C'est ça, Oli. C'est ça, ouais. On va l'appeler Oli. En Oli gros, la voiture qui s'appelle Kit est contrôlée par une intelligence artificielle qui est suffisamment développée pour se conduire, réfléchir et parler comme un être humain. De plus, la voiture est résistante au tir de toutes les armes connues. Elle m'a jamais connu. Grâce à son armure moléculaire. Son armure moléculaire. C'est comme ça qu'on l'appelait. Son moteur permet de rouler très vite à de combien à votre avis? C'est très précis. C'était en miles quoi, donc oui, non, mais on va dire en kilomètre heure à votre avis. Wow. Elle pouvait aller de combien, parce qu'il y a deux épisodes où il parle de sa vitesse, on le voit sur le compteur, et un épisode exceptionnel où il a, je vais vous aider, une super pursuit mode. Donc il enclenche le super pursuit mode, donc il monte à combien ce jour là ça vous parle pas? Ouais, c'est de 400, 0 à 400, allez. 430 ou un truc comme ça. 320 km/h jusqu'à 480 km/h. Voilà. Mieux qu'une Bugatti. Et pour s'arrêter, il était obligé d'appuyer sur un bouton. Il y avait des ailerons qui se dégageaient sur les côtés. Ouais, ouais. Bah, la voiture d'arrivée aussi. Ouais. Alors c'est les portes qui se dégondent. Par contre, c'est pareil. C'est le pare-choc arrière qui se déboîte. Et par contre, Kit est comme Onisa, elle est dotée de nombreux autres gadgets. Elle peut par exemple sauter par-dessus des obstacles, un peu comme Sherlock boost. Aussi, ou des précipices grâce au turbo boost, éjecter ses occupants à leur demande ou contre leur gré avec un système de préservatif de siège éjectable, ou encore limiter ses émissions sonores et non pas RQC grâce au Silent Mode, ou même rouler sur deux roues grâce au Sky Mode, au Ski Mode logiquement. Voilà. Voilà, c'était pour vous. Ça vous J'adorais. Mais je l'ai re-regardé il y a quelques années. Alors ça, par contre, c'est ma série. Ça, moi, c'était gamin jusqu'à adolescent, on va dire. Alors là, vous allez reconnaître aussi. Elle va peut-être être un peu longue. Canada numéro 1. Ah, oui. Oh là là, l'homme bio-ionique. Steve. Alors, écoutez bien, parce qu'ils disent l'homme bio-ionique. C'est un homme bio-ionique. Là, ça va être très long, c'est au bout de 3 minutes. Si, je t'assure. Ouais, si, c'est possible. C'est très... Voilà. Alors, en fait, c'est l'homme qui valait 3 milliards. Est-ce que vous savez comment on le nommait au Québec? Parce qu'à l'origine... Non, mais Sherlock, attends, 2 minutes. Non, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que l'homme qui valait 3 milliards, c'est nul. C'est au départ, ça s'est nommé. La série se nommait d'une certaine façon. C'est au Québec que c'est sorti. C'était l'homme de 6 millions. Ah bon. The Six Million Dollar Man. Oui, c'était le titre anglais. L'homme qui valait donc je sais pas le cours du dollar à l'époque. Mais... ouais. Donc c'est une série télévisée à nouveau américaine de science-fiction d'après le roman Cyborg de Martin Kedding. J'ai pas eu trop d'occurrence sur lui donc j'ai pas été chercher. Donc, vous connaissez l'histoire de Steve Austin en fait qui est astronaute qui s'éclate à la tête contre un truc qui est pas bien. Et puis vous avez son ami Oscar qui est donc responsable d'un. Il s'appelle Oscar Goldman, puisque c'est son anniversaire. Ah bah voilà. Et voilà. Jean-Jacques. Ah, je sais, ouais. Voilà. Ah ouais, je sais. Et donc, en fait, il va se. Bon anniversaire, Jean-Jacques. Qui va se. Voilà. Donc, mais par contre, à part le sexe, que va-t-il lui greffer de bio-ionique? Alors. Un œil. Lequel? Un œil. L'œil. Attends. Gauche. L'œil gauche. Absolument pas. Le droit. L'œil droit, donc c'est la jambe gauche alors. Ah, c'est la jambe gauche. Voilà. Et le bras. Le bras droit. Absolument. Voilà. Bravo. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, c'est exactement ça. Et comme ça marchait bien et que ça faisait beaucoup d'argent, ils ont lancé automatiquement... Super Jimmy. Super Onissa. Super Onissa. Ah ouais. La femme qui valait 3 euros. Qui buvait comme un taureau. Je dirais pas la suite. C'est super... Et c'était quoi le titre Super Jimmy. Ouais, super Jimmy. Je l'ai dit juste avant, c'est pas grave. Et au Québec, c'était la femme bio-ionique. Bionique, ouais, ouais, non, mais souvent les Français disent bio-ionique, ça s'est ouais, entendu ouais. Souvent. Bio-ionique, en fait, c'est la femme bionique au Québec. Donc, Super Jimmy, c'est une série dérivée, évidemment, en spin-off en anglais, de L'homme qui valait 3 milliards, diffusée au Québec sous le titre de L'homme de 6 millions, excusez-moi, je viens de le dire, dont elle utilise la même veine scénaristique. Oui. Elle met en scène. Bah alors, elle, c'était la jambe droite, par contre. Absolument, parce que, bah, vu que Steve Austin lui était arrivé dessus. Donc, Jamie Summers, l'ancienne petite amie, en fait, de Steve Austin, est-ce que vous vous souvenez? Parce que c'était sa petite amie dans le pilote, héros de L'homme qui valait 3 milliards, est une ancienne championne de tennis qui fait un saut en parachute et qui se flingue, et il demande à Oscar, toujours Oscar Goldman, de lui confier de délicates missions, mais de lui mettre une oreille bio-ionique. Ouais. Ah oui, une oreille. Et elle est devenue agent secret de l'OSI, en français Bureau gouvernemental de l'information scientifique. Voilà, c'était Super Jimmy. En partant, moi j'ai gardé quand même les deux meilleurs pour moi pour la fin, parce que celui-là on va pouvoir en parler quand même pendant 2 minutes. Ça, j'ai tout vu. J'ai tout vu. T'as tout vu. Combien il y a de thé d'ailleurs dans ce générique ? C'est Angus, c'est bien. Ouais, c'est ça. Angus. Angus. Alors c'est attention, bon. Les thés vont commencer là. Ah, t'appelles ça des thés, toi? Ah ouais, c'est ta ta ta ta ta ta ta. Ça, c'était la blague au collège, là, tu vois. On tire un autiste. T'es ta partie. Ah bah, donc voilà, oui, alors, ouais. Donc, MacGyver, en fait, vous l'avez reconnu certainement, série télévisée toujours américaine. Ouais. Elle a été produite de 85 à 92, évidemment, elle est repassée à toutes les sauces, il n'y a que le train qui n'est pas passé. Elle passe encore, dessus. Peut-être même. Bien sûr, ouais, tout à fait, mais ça a été vraiment l'époque de 85 à 92. Elle comporte 7 saisons et 139 épisodes, et par contre, 2 films qui ont été tirés. Oui, 2 téléfilms. Bah, magnifique, je vois vraiment. Je les ai vus, mais bon, je les ai vus. Oui, non, mais fais pas moi. Ouais, bon, d'accord. Voilà. Alors, la série tourne autour du personnage, comme tu disais, d'Angus MacGyver. Connu par ses amis comme MacGyver ou Mac, dont le principal actif est sa mise en pratique des connaissances scientifiques et l'utilisation inventive des objets à sa disposition, tout en utilisant surtout que... Tu sais ? Surtout. Du chewing-gum ? Non ! Qu'est-ce qu'il utilise tout le temps ? Quasiment. Son couteau suisse. Ah bah son couteau suisse. Ah oui, ah bah ouais. Suisse. Donc les solutions intelligentes mises en œuvre par MacGyver pour résoudre des problèmes apparemment insolubles. Alors par contre, moi j'ai lu une chose, alors j'ai plein de trucs sur lui, mais l'attraction de la série en fait, c'est que ses conceptions sont entrées en fait aux États-Unis dans la culture populaire sous la dénomination de MacGyverisme. Et c'est très très sérieux, il y a des écoles de MacGyverisme. C'est-à-dire que le terme a été utilisé pour la première fois dans un épisode qui s'appelle La double piqûre, où lui le dit. Et en fait la série a souvent aussi porté sur des questions sociales, et tout ça, il y a plein de gens qui se sont dit, mais en fait ce gars-là, évidemment, on se marre et tout, mais c'est pas con. En fait, c'est le mec gentil, démerdard, qui essaye de trouver des solutions avec ce qu'il a sous la main. Donc on va essayer de faire appel à des gens qui en ont un peu dans la tête. Comment on pourrait faire des trucs simples, compliqués, pardon, avec des trucs simples? Et en fait, ça s'appelle, et il y a des écoles de MacGyverisme. T'arrives là et on dit, non, mais vous vous emmerdez avec votre plomberie, c'est sûr que ça sera pas parfait, on va vous montrer comment tout de suite vous dépanner avec, par exemple, un chewing-gum, comment mettre des trucs improbables, quoi. Ouais, alors c'est ni plus ni moins que les remèdes de grand-mère, quoi. Oui, tout à fait, ouais, mais c'est ça, ouais. Parfois tu sais pas, ouais, mais il y a quand même des trucs, voilà, pour réparer ton truc avec une épingle à cheveux, donc j'ai pas été là-dedans dans ma chronique, mais avec une épingle à cheveux, comment récupérer en fait un embrayage qui saute, etc., et comment le passer pour le truc pour faire une oreille de Mickey pour le raccrocher et repartir avec ton embrayage. Et ça fonctionne très bien. Un peu comme le bas avec la courroie de distribution. Oui, voilà, tout ça. Ou la ceinture. Ouais. La ceinture. Pas la courroie de distribution. Si t'as la courroie de distribution à sauter, t'as plus de moteur. Courroie d'accessoire voilà. Pour l'alternateur. Ah ouais. Donc voilà, il faut savoir que c'est vraiment basé sur ces aventures et qu'il y a des gens qui continuent là-bas. C'est MacGyver, c'est un culte vraiment américain. C'est l'américain. Et d'ailleurs, il y a une série qui sort en ce moment où c'est la jeunesse de MacGyver. Oui, ah ouais. Alors ils en parlent là-dedans, ouais, c'est sûr que ça fait un peu flop-flop, ça passe moins bien. Parce que... Pour l'instant, ça a très bien démarré aux États-Unis. Hein. Oui, mais ils sont presque à l'arrêter, parce que ça passe pas comme ils voudraient quand même. Ouais. Ils n'arrivent pas à retrouver en fait ce lion qu'il y avait dans les années 80, parce que c'était nouveau aussi. Un petit mot quand même, c'est que tout ce qu'ils faisaient avec les mélanges corrosifs pour faire des explosifs, Bah, à la base, c'était vraiment comme ça, et ils essayaient de baratiner un petit peu, tu vois, déjà à l'époque, les États-Unis, ils sortaient un petit peu des conneries pour pas qu'il y ait des gens qui essayent d'essayer chez eux, parce que ça pouvait vraiment péter, quoi. D'accord. C'était le MacGyverisme. Voilà. Un dernier pour la fin, après, je vous laisse avec cette chronique, il y en aura d'autres. Ça, je vous la réserve pourquoi? Parce que dedans, il y a un M1 Kyorg. Il y a DX7, écoutez bien, non, il y a DX7 et il y a un Moog. C'est-à-dire, c'est la première fois à l'époque, ça n'existait pas. Quand vous avez. Expliquer ce que c'est? Bah, on a déjà parlé des synthés, tu sais, le synthé de base. Mais c'est pas forcément. Ouais. Oui, on peut pas revenir tout le temps, mais ils avaient qu'à écouter les émissions avant. Si vous êtes nouveau, vous aviez qu'à écouter avant. Donc, un Moog, c'est un synthé qui fait des basses, et puis les autres, c'est des synthés modernes des années 80. Et là, vous aviez tout, et le jour où ce générique est sorti, je vous assure, c'était du Jean-Michel Jarre. Vas-y. Et tout est fait au synthé. Tout. Synthétiseur. Volume 2. T'entends le... derrière. Vous connaissez. Bah t'insultes un peu Jean-Michel Jarre, alors excuse-moi, mais... Bah non, parce que je veux dire, à l'époque, ouais, mais c'était novateur à l'époque, ces rythmiques, c'était novateur, puisque on parle d'ici d'un film qui est, je vais revenir après sur la date, donc Supercopter, en fait, vous l'avez certainement connu. Bien sûr. Le vrai nom du pilote, en fait, c'est Fringefellow, qui s'appelle Hank Ice et qui est un solitaire qui vit dans une cabane, qui a pour seule compagnie son chien Ted. Il possède une collection par contre de tableaux inestimables et par héritage de sa famille un violoncelle Stradivarius parce qu'il en joue de temps en temps. Ce que je veux dire, ça fait le tour, c'est un pitch un petit peu dans le film qui revient régulièrement. Et son seul ami est, ça vous parle non, Dominique Santini, interprété par un des plus grands acteurs américains de tous les temps. C'était impressionnant de voir dans Ernest Borgnine. Ah oui. Les 12 salopards, le jour le plus long, etc., etc., etc. Enfin, alors là, je crois que sa filmographie doit être plus de 350 depuis une lézaine. C'est vrai. Il a commencé à jouer en 1951. Et il est décédé ici en 2012. Voilà. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, moi. Enfin, je le connais pas, mais. Il avait une gueule cassée. Voilà. Hein. Absolument. Ouais. Donc, c'était le patron d'une compagnie d'hélicoptères qui s'appelait la Sentinière. Bref, Anka, il est un pilote d'essai. Je vous le fais rapidement. Il y a ce qu'on appelle la firme ou l'agence qui se fait piquer l'hélicoptère par des Syriens. Le mec, il va récupérer l'hélicoptère. Anka, il se dit, ouais, mais je vais pas le refiler parce que ça pue un petit peu du nez. Et je vais le planquer, en fait, dans un volcan. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Pour ça, par contre, j'ai jamais regardé Supercopter. Si. Il s'est mis. Ah, moi, je l'ai regardé souvent. Bah, c'était bien parce que à l'époque, c'était le début aussi. T'avais les avions à hélice, à réaction. C'était encore. Faut voir ça. C'est l'après-guerre Vietnam. On n'était pas loin. Ouais. Et on commençait à voir quand même des trucs un peu plus modernes. Et Supercopter, cet hélicoptère qui décollage vertical, qui arrivait, histoire de mettre un petit doigt d'honneur aux Anglais, qui commençait à faire le si arrière. Ça vous parle, non? Un avion à décollage vertical. Donc, les Américains allaient leur mettre des films aussi pour bien faire comprendre que eux aussi savaient faire. Voilà. Pour l'anecdote, j'ai fait un petit calcul. Les 8 séries, rien que les 8 séries dont je vous ai parlé, il y en a 40 en tout qui ont vraiment marqué leur temps des années 80. Ça fait cumuler 1300 épisodes. Ça fait 3 ans non-stop à 2 épisodes par jour. Rien que celle-ci. Je sais pas, on se dit, ouais, d'accord, bah, tous les jours, 2 épisodes pendant 3 ans. Ouais, moi, j'aurais pas tout vu, hein, quand même. Non. Moi, Cosmic Show, par exemple, j'aimais pas. Moi, non plus. J'ai pas tout regardé, j'ai dû regarder. Attends, il y a eu 7 saisons, je crois. 2 de Cosby Show. Oh, j'ai pas tout pris. Bah, mais j'ai dû en voir 5 au moins. J'ai dû au moins voir 5 saisons. C'est énorme. Il a fait. J'ai pas le nombre d'épisodes. 201 épisodes. 201 épisodes. En général, t'en as quoi, 15 par série? Non, 15 à 20 Ouais, une vingtaine. Ouais, une vingtaine. Ouais, donc, oh, peut-être moins quand même. Faire des comptes d'apothicaire. Non, mais c'est pour réfléchir. Normalement. Partant du principe qu'un épisode d'élite de 42 minutes, 42 minutes fois 200 sur. Partant du fait parfois que 13 cm sont suffisants, mais que 22 c'est mieux. Bon, en tout cas, belle rétrospective. Bonjour, sur ces feuilletons qui ont dû vous marquer, évidemment, ou pas. C'est pour une fois j'en connais. Voilà. Ah, bah oui, mais je suis content. Mais il y en a plein d'autres, moi justement. Il y en a plein. J'aimerais qu'on parle de l'homme de l'Atlantide, par exemple. Oui, je vais venir. Le problème, sincèrement, la chronique, je me dis, je me le fais. Alors, soit par chronologie, soit par nombre d'entrées, etc. Je me le fais au feeling. Et c'est vrai que l'homme de l'Atlantide, on va en parler, parce que avec Marc Harris et tout ça. Mais il y en a plein d'autres. Patrick Dufy. C'est Patrick Dufy. Oui, mais c'est Marc Harris, le. Oui, c'était c'est le nom. Nom. C'est le nom du. C'est Marc Harris. Non, parce que je faisais quand. Je t'explique pourquoi. Très vite. Quand j'étais adolescent et prépubère, en fait, je faisais 41 kilos pour 1m82. Je faisais déjà du 45. Ouais. Donc, on m'appelait l'homme de l'Atlantique quand j'allais à la piscine. Ah bah oui. Donc, Marc Harris, je le connaissais, connard. Ok. Eh ben, écoute, Marc, merci beaucoup pour cette belle chronique. Maintenant, c'est Dorcel. Donc, Marc Harris, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite coupure musicale. Bah, hein. On va faire un plongeon dans la commune. Avec notre ami Cosby Sherlock. Cosby Sherlock. Oui, pourquoi pas. T'aurais aimé être gynéco, toi, je le sais bien. Ouais, mais alors après, je serais rentré voir ma femme, elle m'aurait dit « Oh, chérie, non, non, c'est bon, j'ai assez bossé aujourd'hui. » Ouais, mais à mon avis, tu fais pas la même chose quand t'es gynéco et avec ta femme. Ouais, bah oui, je me doute. Ouais, alors, t'as un problème. Là, on rentre dans le vif du sujet. Ouais, c'est clair, c'est clair. Allez, ou dans le vide du sujet. Ouais. Bah écoute, je ne sais pas, on va faire un ABC song. Allez, on y va. On va demander à Onissa, tiens. Allez. Alors. F14. Les F16 sont. F14 Tomcat. Oui. Ah, absolument. C'était donc. Avec deux moteurs. Et le F15, c'est le. Et deux moteurs. Alors. F14. Prattelé. Alors le F c'est après le E. Ouais ouais je sais mais c'est parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup non, de F. Non c'est 14 parce qu'il y a beaucoup de chiffres avant. Vas-y chalot. Allez Corki. On en a 40 secondes pour trouver le 14. Bah, alors donc les Fine Young Cannibals avec Suspicious Mind. Ah bien, c'est bien. Disons le deuxième. Allez. Vas-y choisis un petit ABC song. Un petit ABC song. On va prendre W13. D'accord. Ah, t'aurais dû dire W12, ça aurait été Sardou. Je m'appelle W. Je suis pas sûr, hein, c'est le nom du chanteur. Hein. Rigole pas, j'ai déjà pas mal de W en fait. Bah oui. Ouais, semblant de rien, j'en ai pas mal. Bah ouais. Passe le nom, ce serait bien. White is white. 10, 12 et 13. Whitney Houston, greatest love of all. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Allez, à tout de suite. Allez. Trail. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Well, you don't believe a word I say. And we can feel that tears on suspicious mind. let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. Ça, c'est le générique de L'Homme de l'Atlantide. Eh ouais, ouais. Avec Patrick Duffy, donc qui jouait pas, Bobby Ewing dans Dallas. Je sais pas d'où tu le sors, hein, alors il est dégueulasse ce son. Ouais, ouais, ouais, bah écoute, c'est le son d'époque. Hein. Ah ouais, ouais. Désolé, mais. Même d'ailleurs, je crois qu'à l'époque, l'image était un peu pourrie. ligne. Ouais, bah, le son est à la mesure de l'image, hein, ça sortait de l'eau, tout ça. Ouais, c'est ça, en fait, absolument. Et lui, avait franchement, les pattes palmées, hein, les doigts palmés, pardon. Ouais, les doigts, les pieds, de les pieds palmés, ouais. Et avec son slip de main jaune. Oui, on m'aurait dit que d'ailleurs, il aurait aussi. Non. Bon, ça suffit, ça suffit. Alors les gars, je vous ai promis depuis plusieurs semaines de vous parler d'une success story. Je vous parlais de l'année 1975, évidemment, et de Eddie Meuss. Je crois que t'as parlé de ta vie, moi, une success story. Non, non, bah non, bah alors là, ça va aller vite. Hein, mais ça, c'est une belle histoire parce que je suis tombé dessus par hasard. Et Eddie Meuss, vous connaissez? Ben non, ça, ben, enfin, non. Depuis alors, la semaine dernière que tu nous alors, en as parlé. En gros, c'était un grand commerçant, un commerçant belge, et qui, dans les années 60-70, parcourait le monde, notamment en Afrique. Et puis un jour, il est allé au Canada et il a découvert ce qu'on appelle du téléski. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le téléski. Bah ouais, c'est. Du téléski. Ouais. Bah, t'es assis sur un siège et t'es en ski. Non, c'est pas. Du téléski nautique, parce qu'en fait le téléski. Du téléski nautique. Oui. C'est vous faites du ski nautique et en fait il y a un grand filin, ouais. Et qui vous tire. Il y a pas de bateau. Ah. À l'époque. Oui. Y a pas de bateau. Oui. Ah bah vous connaissez pas ça. Ah non, pas du tout. Ah bah c'est le téléski nautique. En fait c'est ni plus ni moins qu'un grand filin qui est tendu sur un lac. Ouais. Et bah vous faites du ski nautique et c'est tiré par un moteur et mais il y a pas de bateau. Voilà. Ah bah écoutez, renseignez-vous parce que vous allez voir ça existe, et ça existe encore d'ailleurs. Et ce monsieur s'est dit, tiens, ça c'est un bon petit truc, je vais le commercialiser en Belgique, tiens, une fois. Oh, bah, je parlais le commercialiser en Belgique. Il faut que je trouve un lac. Et bah exactement, ah, bah, exactement. Oui. Donc il a racheté le concept, et il avait l'exclusivité en Belgique et en Europe d'ailleurs, de ce concept de téléski nautique. Et un jour, il s'est dit, bah ouais, mais il faut bien que j'ai un endroit pour, bah, tout simplement, faire des démonstrations. Alors, trouver un lac, c'est quand même pas évident, mais il en a trouvé un, quand même. Du côté du Brabant wallon, du côté de Wavre, exactement, où il a racheté un lac. Et puis, il a fait, donc, il a monté son téléski nautique, et puis il a fait venir ses clients, puis un bout d'un moment, il s'est dit, bah ouais, mais c'est un peu triste, on va peut-être faire un peu de restauration, comme ça, bon, on fait de la restauration, puis je vais faire venir un peu des animaux, et puis plein de choses, et puis voilà, et puis, au fur et à mesure, en fait, il se rend compte que, bah, il va peut-être y mettre un peu d'animation autour de ce lac, où il y a du téléski, où il y a de la restauration, où il y a un petit peu d'animation. Bah, je vais demander à des forains, tiens, de venir s'installer, l'espace de quelques mois, et puis de là, est né un parc d'attractions. Walibi. Absolument. C'est quand tu m'as dit après que la restauration. Et je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait ce fameux lac sur lequel il y avait du téléski nautique. Le lac existe encore, évidemment, il n'y a plus de téléski nautique, mais c'est devenu Walibi. Et Walibi, vous savez d'où ça vient, le terme Walibi. Bah, c'est les kangourous, c'est les Walibis. C'est un kangourou. Mauvaise réponse. Walibi. Mauvaise réponse. Wavre. Ah ouais, attention. Ça vient de Wavre et de. Ouais, mais les Walibis sont des kangourous. Walibi. C'est bon. C'est un hasard. Donc il voulait trouver un nom. Alors il avait trouvé un nom à l'époque, hein, qui était un peu tordu, un peu néerlandophone d'ailleurs. Et au fur et à mesure, il a réfléchi avec ses enfants et il s'est dit, mais comment on pourrait faire? Et en fait, il se passe que ce lac est coincé entre trois communes. Wavre. Wal. Limlet. Et Bierge. Et Bierge. Et ça n'est ni plus ni moins que les premières syllabes des trois villes qui sont concernées donc, par ce parc d'attractions. Donc, Wavre, Limlet, Li, et Bierge, Bi. Walibi. Voilà. Et évidemment, ça ressemblait à Walibi. Donc, ils se sont dit, bah, écoute, on va faire un peu de. On va mettre skipper une fois. Hein. Voilà. Il y a quand même eu. Il y a une histoire aussi. Bon, Walibi, vous connaissez. Donc, Walibi, entre-temps. Il a revendu. Oui, j'allais dire. Il a revendu la marque à une première boîte. Alors, je ne sais plus si c'était pas canadienne, mais ensuite, il a revendu à une boîte américaine. Qui est devenu Six Flags. Ouais. Six Flags. C'est pour ça que je fais ça. Voilà, absolument. Donc, Six Flags. C'est néerlandais, je crois, Six Flags. Absolument pas, c'est américain. Hein. C'est. Américain à mort. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, bah oui, c'est Warner Bros. Donc derrière, c'était tous les personnages de Warner Bros. Je suis meilleur en série qu'en parc d'attractions. T'as marqué, et maintenant c'est la vitesse. Oui, tout à fait, etc. Non, t'as tout à fait tort. Et pour la petite information, Six Flags, ça n'a pas fonctionné du tout. Et du coup. Ça me dit quelque chose à Six Flags. Ouais, donc c'était Bugs Bunny et ses compagnies. Non, mais tu dis, ouais, ça ne fonctionne pas, pourtant ça me parle. Ouais, aux États-Unis, ça marche très très bien. Mais en Europe, ça fonctionne un peu moins bien, d'autant plus que Walibi était très connu avec le kangourou, et je pense que le virage a un peu mal passé. Donc pendant 2 ans, effectivement, ils ont été Six Flags avec tous les personnages de Warner Bros. Et puis ça a été revendu, et cette fois-ci à une société française. qui est la Compagnie des Alpes. Voilà, c'est redevenu Walibi. Donc, Walibi, aujourd'hui, vous en avez plusieurs. Il y en a un en France, il y en a un à Lyon, ouais. Il y en a un peu partout. Et la Compagnie des Alpes. Il y a un Walibi, je trouve. Mais ni plus ni moins que. Il y en a à Lens aussi. Ah, ils font du téléski, mais par du haut des terriers, en fait. D'accord, ok. merci Flipkat pour cette information. Et donc aujourd'hui, concrètement, ça appartient donc à un groupe français, et qui n'est pas n'importe lequel, c'est la Compagnie des Alpes, quand même, qui détient aujourd'hui les plus gros les centres de ski, enfin, comment on appelle ça, les stations de ski. Et eux, pourquoi ils ont racheté le parc d'attractions? C'est parce qu'ils se sont dit, nous on ne fonctionne que l'hiver. Et l'été, faut qu'on se diversifie. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, quand même, la Compagnie des Alpes, Bellward appartient à la Compagnie des Alpes, Walibi appartient à la Compagnie des Alpes, le parc Astérix appartient à la Compagnie des Alpes. C'est un truc énorme. Le musée Grévin appartient à la Compagnie. Ils ont la thune à bord. Là, c'est rigolo, c'est le musée Grévin. Ouais, absolument. Ouais. Ah ouais, parce que là, on est en dehors du profil, quoi. Je veux dire, c'est qu'à la limite, ils ont, tu sais, un savoir-faire. C'est-à-dire, à chaque fois, disent, on va creuser là, on va mettre telle attraction parce qu'on sait comment les gens rentrent, on sait comment on va placer les hamburgers, comment on va placer. Les mecs, ils ont le musée Grévin. Bon, c'est vrai que c'est rigolo, hein. Le prochain événement, ce sera sur Bruxelles avec, donc, le musée de Spirou, qui va passer le parc d'attractions. J'ai entendu ça. J'ai le voir. Qui va ouvrir. Ouais. J'adorais Spirou. Et ouais, absolument. Et Fantasio. Donc voilà. Donc on passe d'un petit commercial qui revend un concept à un parc d'attractions Walibi qui n'a pas été à Walibi, franchement. Ouais, en fait, mais c'est là qu'on voit le. J'ai pas été très souvent, j'y suis allé, hein, mais c'est vrai que j'ai toujours été Bellward. Ça a toujours été. Mélie. Mélie Park qui est devenu Plopsaland. Ouais. Plopsaland, absolument. Ouais, Mélie Park et Bellward. C'est vrai que Walibi, j'y suis allé, ça m'a jamais. C'est sympa. T'en as jamais été baba? J'en ai jamais. Bob Bjornland aussi. Ouais. Bob Bjornland, absolument. Qui était par un chanteur d'ailleurs. C'est un chanteur qui a ouvert le parc. Bob Bjorn, un chanteur de country. Oui, un chanteur country, ouais, exact. Ouais, Il s'appelle Bob Bjorn, donc c'est Bob Bjornland, c'est le pays de Bob Bjorn. oui, absolument. Et puis il y en a plein d'autres, des parcs d'attractions comme ça. Il y a la Mer des Sables aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, Ermenonville. Il y a Bagatelle. Jean-Yann. Ah, plus maintenant. Non, plus maintenant. C'était Pierre Richard, la Mer des Sables. Le propriétaire, c'était Pierre Richard. La Mer des Sables, c'était Pierre Richard. Non, mais je sais quoi. Non, mais c'est du cirque. Et c'était le propriétaire de la Mer des Sables. Jean Richard, alors. Jean Richard, tu te Jean Richard, Jean Richard. Ah oui, excuse-moi. Jean Richard. C'est bien le maître du cirque. Oui, Jean Richard. Pierre Richard, c'est celui qui tombe dans les sables mouvants, par contre. Oui. Et moi, je me suis emmêlé les pinceaux, je me suis trompé. Mais t'as tellement de culture, j'ai écouté, je vais dire une connerie, mais par contre, je la connais très bien, c'est Jean Richard. Quand t'avais raison, c'était un Jean. Jean Richard. Oui, non, le pire, c'est que j'avais bien sa tête. Jean Richard, en 80, qui était le seul avec sa pipe à pouvoir jouer Maigret, qui avait été rejoué dans les années 82-83 par Jean Richard, et qui était un acteur exceptionnel à l'époque. Ouais. Tu vois, pourtant, c'était un homme du cirque. Donc voilà. Donc je vous avais promis une petite chronique sur. Et je vous en ferai une autre. J'ai toutes les histoires de toutes les parties. Là maintenant, il va nous faire la chronique de Bellward la prochaine fois. C'est pas intéressant, Bellward. Ah. Tiens, moi j'ai retrouvé le cuit des années 1985. Waouh. Là, j'ai de quoi vous faire des chroniques pendant 8 ans. Okay. Qui a la plus grosse, intention de nuire en 1985 Bon, allez. Chronique Sinoche. Oui, bien sûr. Allez, Sinoche. Merci. J'avais pas mis le son, donc. Comment ça, R2? C'est la princesse Léa. Ben oui, ben oui. Chaque semaine, c'est reparti. On a la radio, hein. Bon, alors, comme vous vous en doutez, c'est la chronique ciné. Je vais donc vous parler des sorties cinéma pour la Belgique et pour la France. Pour demain, donc mercredi 12 octobre, et je vais commencer avec un film d'animation qui sort en France et en Belgique également, qui s'appelle Cigogne et compagnie. C'est doublé en France par Florent Père, Bérangère Krief et Issa Doumbia, qu'on voit notamment dans Nos Chers Voisins. Ouais. La brune? Non, c'est un black. C'est un black. Comment tu dis son nom? Non, Issa Doumbia. Bah, vous rigolez, je savais pas. Je crois qu'il sera au centre Marius Taquet d'ailleurs d'ici quelques mois. Dans le cadre de Pourri Vert. Un mec qui s'appelait Issa. Bah, on le voit sur D8 aussi. Il est chroniqueur aussi. C'est ça. Et donc, c'est un film de Nicolas Stoller. Donc, c'est pendant longtemps, comme tout le monde le sait, les cigognes livraient les bébés. Maintenant, bon, elles acheminent des colis pour un géant de l'internet. Ça a changé, nouvelle ère forcément. Junior est coursier star star de l'entreprise, donc c'est une cigogne, et il s'apprête à être promu. Mais malheureusement, il actionne un levier qui fait apparaître un bébé et il faut le livrer. Donc logiquement, ils n'ont plus le droit de livrer les bébés. Lui va aller le livrer avec l'aide de Tulip, qui est la seule humaine habilitée à être dans cette usine. Et donc, on va suivre leurs aventures tout au long du film. Donc le Black, il est en cigogne, il décolle. Ils font les voix seulement. Hein. Ils font uniquement les voix. Ah merde, j'avais pas compris, c'est un film d'animation. C'est un film d'animation. Ouais. Ah non. Tout à l'heure, tu me dis avec Attel et tout. Il va livrer une cigogne, j'ai dit en France, ils sont doublés par bon, ça. Eh oui, mais il faut écouter Canon quand même. Mais non, au contraire, je suis mort de rire, mais moi j'aime bien. Parce que j'étais vraiment dedans. Donc voilà. Ensuite, il y a enfin Bridget Jones Baby qui sort en France, donc avec toujours Renée Zellweger, Patrick Dempsey, Colin Firth. C'est un film de Sharon Maguire. C'est sorti le 5 octobre en Belgique. Donc c'est toujours avec les mêmes, hein, Bridget Jones qui est de nouveau célibataire parce qu'elle a quitté son petit ami Mark Darcy. Elle a passé 40 piges, bon, elle se retrouve toute seule. Maintenant tout va bien, apparemment elle arrive à diriger sa vie comme elle le veut. Manque de bol, elle tombe sur un autre gars, donc c'est Jack qui est Patrick Dempsey. Puis elle retrouve Darcy, elle tombe enceinte mais elle sait pas de qui, donc voilà. D'accord. C'est dégueulasse. Un imbroglio. C'est ça. Donc un triangle amoureux. Ah, oh, ça c'est mieux. Oui, il semblerait qu'ils ont fait. Ils ont tourné 3 scénarios de fin. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu ça. C'est d'accord. C'est possible. Et tu ne sais pas. Même les acteurs, pendant toute. Toute la production, ils n'ont jamais su qui était le père jusqu'à la fin, jusqu'à la première. C'est bien ça. Sympa. Ah, ça, c'est comme ça, il y a vraiment le suspense jusqu'au bout. Donc il y a de fortes chances pour qu'en DVD on ait les trois fins alternatives. Ils ont tourné les trois fins et même les acteurs savaient pas jusqu'à la fin lequel des deux acteurs était le père. Attention, parfois aussi, il y a des films où il y a des fins alternatives et d'un pays à un autre la fin est différente. Oui. Bien sûr. Tu vas me parler de l'effet papillon peut-être. Je ne sais plus quel film. Parce que l'effet papillon, moi j'avais acheté le DVD en Belgique, et en Belgique la fin n'est pas du tout comme en France. Et là, j'étais un peu choqué. Et c'était une fin alternative, et en fait parfois ils adoptent une autre fin. Oui. Je savais pas, mais j'ai découvert ça aussi. Bah, suivant les mœurs des différents pays. Peut-être. Ou enfin par exemple dernièrement dans le film d'animation Zootopie, le présentateur télé n'était pas le même suivant les pays. Ah ouais. Au Japon c'est un animal typique du Japon. En France ils ont gardé l'élan, qui est aussi pour les Québécois, parce que ils parlent français, donc ils ont gardé le même. Sinon, en Afrique, je pense que c'est un jaguar ou des choses comme ça. Ils ont pris vraiment des animaux typiques de chaque région du globe. Et Manu, tu veux une côte de porc? Maintenant, c'est Manu, tu veux un petit morceau de pilon de poulet? Voilà, c'est ça. Enfin, alternative. Et enfin, en France, j'ai trouvé qu'un film en fait qui m'intéressait, enfin qui me disait d'aller le voir, c'est le film Deepwater. C'est avec Mark Wahlberg, Dylan O'Brien et Kate Hudson, un film de Peter Berg. Ça sort également en Belgique demain. Donc c'est d'après l'histoire vraie de la catastrophe pétrolière qu'il y a eu il y a, je pense, 1 ou 2 ans. Des côtes des États-Unis, avec le gros tuyau qui a éclaté sous la mer. Et donc là, c'est en fait l'histoire de la plateforme Deepwater Horizon qui tourne non-stop pour tirer à profit des presque 800 millions de litres de pétrole, et forcément le truc explose, et là on va suivre un petit peu le quotidien des gens qui sont sur cette plateforme et qui essayent de s'en sortir. D'accord. C'est un film assez musclé, film d'action quand même, vu que ça a été fait par les Américains. Et puis il y a Mark Wahlberg, c'est ça? Ouais. Forcément. En plus, je dis ça, c'est à vérifier, c'est des auditeurs, mais on n'a pas le temps, nous, mais... 2 ans, c'est même plus vieux que ça, Deepwater, quand ça sautait. Je vois très bien, ça a commis... Ouais, j'arrive pas vraiment à resituer, mais j'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça quand même, quoi. Je dirais 2011-2012. Sinon, ils ont fait vite quand même pour faire un film, quoi. C'est 2011-2012, franchement. Après, les studios, ils sont sur tous les coups, donc... c'est clair. Pour faire un film sur ta vie, alors. Bon, ce sera un court-métrage. Ah bon? Non, mais j'ai pas dit nu, hein. Ah, d'accord. Ok, écoute... Ce sera une saga, alors. Alors, un tour de table, Canon, tiré vers quoi? Écoute, non, Deepwater, ouais, c'est pas parce que c'est le dernier, hein. J'ai écouté tous, mais pour une fois, parce que parfois je me noie. Mais Deepwater, maintenant que je sais que l'autre décolle pas pour faire la zigone, sinon j'aurais été voir celui-là. Onissa ? Moi, Deepwater, j'aime bien quand c'est des. Quand Canon est là. Mais tais-toi, quand c'est tiré d'histoires vraies. Ah ouais, d'accord. Moi, j'aime bien ça. Oh, bah, Deepwater aussi, hein. Ouais. Parce que toi t'aimes bien Kanissa et Lia avec c'est parce que faux. Tu veux surveiller Canon et Onissa, c'est ça? Oh, je vais pas les surveiller. Non, prends des photos. Participer. Prends des photos. Participe. Ah ouais. C'est dans ce cas, c'est toi le photographe. Ah oui, mais je te le prête avec plaisir. Attention, mon appareil est très lourd. Oui, je sais. Je t'expliquerai. Bon, allez. Et toi, Harry? Bah moi, j'irai voir. Ta mère. Bah, j'ai pas envie d'assister à la trilogie avec Onissa et machin, donc j'irai pas voir Deepwater. Tu peux faire le capteur son. Non, écoute, franchement, tenir je la sais perche. Pas trop. Bon, allez, Bridget Jones, allez. T'as vu les deux premiers au moins? Le premier, ouais. D'accord. Il passe jeudi. Je t'imagine toi voir Bridget Jones. Jeudi passe les. Ouais, et puis il y a Véro qui parle dans le vide. C'est génial. Alors, oui, quoi. Déjà, la voix que vous entendez, c'est bonsoir Véro. Bonsoir Véro. Bonsoir Véro. Tout le monde. Voilà. Alors, tu disais quoi? Donc, je disais que jeudi est repassé justement le premier et le deuxième. Ah, bah oui, tiens, et bah oui, ils surfent sur la mode. Ouais, ouais. Et toi, Véro, est-ce que t'attends 50 nuances de Grey le retour? Non. Il va bientôt. Il y a la version française, il va avoir un remake qui va être fait. Nuances plus sombre. Avec Denise Gray. C'est 50 comment ça s'appelle? 50 nuances plus sombre. Absolument. C'est ça. Ah bon? 50 nuances plus sombre. C'est pas 50 nuances plus une ombre, hein. C'est 50 nuances plus sombre. Ça va être un peu plus hard. Ça va être plus dark. Oui, mais enfin, ce sera jamais comme ça. Ça risque d'être comme dans les livres. Il a fouetté tous les bouquins. Oui, oui. C'est impossible. Oui, oui, voilà. Quoi de faire ce qu'il fait? C'est un truc pour un gamin de 16 ans. Si, mais non, mais dans ce sera plus visible dans les salles de cinéma, quoi. Oui, voilà, ou des cinémas spécialisés. Est-ce que vous avez vu 50 nuances de Grey? Sincèrement, c'est un truc. Il y a plein de femmes qui se sont, c'est sûr, disant j'adorerais que tout ça. Et c'est un truc pour enfants de prépubère de 18 ans. Oui, c'est le film ou le livre? Quand un couple évolué, etc., qui a un petit peu de maturité sans rentrer dans les détails, je veux dire, ça fait partie des trucs de la vie tout à fait naturels. T'as lu les bouquins? Non, j'ai vécu. Non mais les bouquins sont vachement bien écrits. Ils ont le Canon, j'ai deux nuances de gris. Ouais, ouais. C'est deux nuances. Mais 10 de black. Non mais quand tu lis les bouquins, ils peuvent pas faire le film sans mettre d'interdiction au moins de... Pourquoi? Au moins de 18. Bah, Marc Dorcel, il se gêne pas, fallait l'interdire au moins de 18 ans, mais faire un truc au moins que j'aurais été voir. Ouais mais bon. Ah mais c'est le problème, tu l'aurais interdit au moins de 18 ans, les gens seront pas... Les adultes, seraient pas pressés. Wow. Je pense pas. Peut-être que si, moi je me rappelle à l'époque... J'ai revu ton long métrage. Il y a un film qui a très très bien marché parce qu'il était interdit moins de 18 ans, c'était Baise-moi. Bien sûr, il a super bien marché. Non, pas du tout. C'est pas d'Almodovar? Non, pas vraiment, non. Non, non. C'est une nana. Formidable film. Formidable film. Et là, oui, là, on plonge dans le porno, quoi. Mais, et est-ce que ça a super bien marché. Je mets un challenge. Est-ce que Sherlock, tu peux me le trouver? Baise-moi. Ah bah je l'ai, hein, si tu veux. Non, je répète, ça, après on en parle. Tu l'as? Oui, bien sûr. Parce que je l'ai. Alors tout le monde, nos auditeurs disent oh, c'est quoi? Non, non, c'est un film, je trouve, c'est un chef-d'œuvre. Parce que là. T'as pas exagéré, mais. Ah si. Et les nanas. Enfin, pour moi, la façon dont les nanas deviennent complètement cinglées parce qu'elles ont été, on va pas rentrer dans les détails, mais un viol, un truc, et il s'est passé des choses horribles sur ces femmes-là. La façon dont à la fin elles commencent à devenir des serial killers. Ce film, il m'a choqué par sa violence et moi j'avais adoré, non pas. Ah, c'est très violent. En fait, il n'y a pas de scène de sexe réellement, entre guillemets, c'est pas. C'est pas... Tout de même. Oui, mais il y en a, mais c'est pas. Enfin, on est des adultes. Il n'y a rien de. C'est surtout la violence du film, de la nana à un moment qui se fait violer, là, tout ça, et tu te rends compte de la. Et dans ses yeux, tu te rends compte qu'elle est en train de devenir folle et qu'elle est. Ouais, non, c'est ça. Et je n'ai jamais réussi, pourquoi je dis ça, j'ai essayé de le retrouver, ce film-là. Et si tu l'as. Et ben, même avec des téléchargements, puisque je le dis de manière un petit peu moins légale, j'ai essayé de trouver partout, je n'ai jamais réussi à le trouver. Sur tous les réseaux que vous connaissez, bah, tu l'as, essaye, essayer de le trouver. Ok, je chercherai. Bah, cherche, et ben, tu me diras sur quoi. Donc, en parlant de. Ouais, pas de problème. En parlant de Baise-moi, tu vas nous passer un peu de musique. Ouais. Hein. Ok. Kiss. Faut rester dans le thème. Allez, Kiss. Ouais, ben. Et est-ce que je peux te faire un truc, c'est A1. J'aimerais bien savoir quel est notre premier titre A1. A1. A1. Moi aussi. Si la tablette veut bien. Quand on disait Baise-moi, rigoler, on dit ça. C'est un titre de film. A1, c'est la chanson. Alors A1, c'est à cause des garçons avec à cause des garçons. Non, t'as raison. Continue ta sélection. Continue ta sélection. Attends, je sais déjà ce que je vais mettre pour suivre avec Baise-moi. Vas-y. Une musique de ton mariage? Non, non, non. Oh, non. Si, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est de la répartie, j'adore. J'avoue. Bravo. Le maître a parlé. Excellente. Non, non. C'est. Allez, on va mettre Sandy Stevens avec J'ai faim de toi. Ouais. Et ensuite Samantha Fox avec Touch Me. Allez, vas-y. Ouais, on est en créneau là. On est dans le thème. Absolument. Après toutes ces années de climat tempéré, où quelques éclaircies font oublier la pluie. Après ce long désert traversé en hiver, oh, je faim de toi. J'ai faim de ton regard posé sur mon regard, de cet air que tu as quand tu reviens à toi. J'ai faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, tout et tout ce qui me plaît. J'ai faim de tout ce que tu es, je ne peux pas lutter, c'est tout ce que je sais. Oh, j'ai faim de toi. Je veux vivre de ça, cette boulimie-là, de cette envie de toi qui grandit chaque fois. J'ai faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, tout et tout ce qui me plaît. J'ai faim. We'll be right back. Salut, c'est Sacha. Salut, c'est William du groupe Début de Soirée. On est content d'être avec vous sur 80 à l'heure. Yes. Et voilà, il y a plus personne. On est tous si, là. T'es là, non là. Ah non, mais je me suis dit, je voyais Onissa qui se rapproche du micro. Je me dis, ça y est, elle va nous faire un lancement du tonnerre. Tu voulais nous parler, Onissa, de la Blomerie. Oui, ben la semaine passée, on a. Merci reçu... Onissa. On a reçu Jean-Marie. Et c'est vrai que je suis allée à la soirée. C'était excellent, super bonne ambiance. Alors, rappelle-nous un peu quelle soirée. Hein, à la Blomerie, les années 80. Bah, ouais, c'était la Night of Memories. Yeah. Qui était réalisé par notre ami Audemaker. Jean-Marie qu'on avait reçu la semaine dernière. Alors comment tu l'as perçu cette soirée? Bien, très bonne organisation, super clientèle, du bon son, vraiment bien géré, impec quoi, des professionnels, bon. C'était chouette. Tu t'es amusé? Oui, très bien. En plus, c'est vrai que ça permet d'avoir une clientèle de notre âge qui touche vraiment les années 80. Mm-hmm. Et on voit que c'est une génération où on s'est super bien s'éclater, quoi. Bah oui, mais ça c'est clair. Ah mais ça c'est clair. Mais c'est une clair. Génération qui consomme aussi. Ouais. Non, justement. Alors là, j'étais super étonnée. Ah ouais. Oui, parce que franchement, moi j'ai des jeunes, des enfants qui ont 20, 24. Les soirées chez les jeunes, c'est de l'alcool à gogo. Et là, j'ai vu un nombre impressionnant de personnes qui consomment que des softs. Ah ouais. Bon, après, il y en avait qui étaient déchirés, ça c'est sûr. Ah ouais, Et eux, par contre, reprenaient le quota. Tu nous feras pas croire le contraire. Non. Mais franchement, j'étais impressionné par le nombre de personnes qui consomment des softs. Mais je suis d'accord avec toi, parce que, enfin, dans mon non, mais boulot... Faut savoir quand même que je suis arrivé, il était quoi, vers minuit, et je suis reparti, il était quoi, 3h30 du matin. Oui. C'est quand même la fourchette où t'envoies une paire de déchirés. Mais énormément de personnes qui consomment des softs, franchement. Moi, j'aime bien les jeunes, je les défends, parce que dans mon boulot, je travaille beaucoup dans des boîtes de nuit assez tard, et c'est vrai qu'il y a toujours ces 10 jeunes qui se déchirent complets, et évidemment, au départ, ils boivent, mais globalement, enfin, les jeunes... vous savez, comme la pub, là, tous les Français sont machin. Bah non, tous les jeunes ne sont pas des fainéants, tous les jeunes ne sont pas des filles de 14 ans qui couchent. Ouais. Non, justement, je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis de ton côté. Tous les jeunes ne sont pas moi, quand je travaille, excusez-moi, monsieur, il y en a très, très polis, ils sont très gentils, ils sont prévenants. Et à côté de ça, il y a les 2-3 connards de service qu'on connaît depuis des années, qui grandiront, qui deviendront des gros connards. Animateurs de radio. J'ai dit, au départ, ils grandiront, et après, ils deviendront matures, et un jour, ils rentreront à 80 à l'heure. Canon, donc, c'est moi qui parlais. Pardon, ah mais justement, je te coupais pas, je t'aidais à alimenter. Donc moralité, donc belle soirée, oui, belle organisation, bonne ambiance. Et comme Jean-Marie l'a dit, c'est vrai que les DJ qui étaient là étaient très très attentifs justement à l'ambiance, et dès qu'il y avait par exemple une petite baisse ou quelque chose, hop, ils relançaient direct, et franchement c'était bien géré. Bon, nickel. Super. Il y a même eu Laisse-moi t'aimer. Ah. C'est vrai? Parce que, on me l'a passé en direct parce qu'on était Harry et moi-même étions en spectacle, hein, et je recevais, je te l'ai fait écouter, je crois, un moment. Mais si, dans le bus. Ah, c'est possible, bus, oui. J'étais en train de me dire, écoute-moi, c'était en train de passer Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt à, donc, on était dans le bus à 2h20 du matin. C'est vrai. 2h20 du matin. Donc, c'est rigolo, hein. Très. Ça casse. Merde, moi, c'est ça. Même quand il passe sur place, il sait. Alors, j'aime bien parce que Onissa a un petit côté faux d'herge, quand même. Je peux dire celle qu'il y avait avant. Non, mais ça va aller. J'ai des photos de toi aussi. Bon, allez, en parlant de grand gamin que nous sommes, un grand gamin qui va nous faire sa chronique, ah oui, évidemment, Rock Legacy, c'est notre ami Flip Cat. Ah. J'ai pas le temps de changer le générique. Pourtant, je l'avais. J'ai pas le temps de te le dire. Tu me prends dépourvu là. Profitez-en. Ça change la semaine prochaine. Ah, on va changer de chanson. Ouais. Ah, change, Je vous mets au défi de trouver Ouais. Oh bah, il y a quelque chose qui ressemble. T'inquiète, on va chercher. Ah, mais vous cherchez. Alors vas-y. Allez, vas-y. Raconte-nous. Oui, bah donc tu n'étais pas là tout à l'heure, comme je disais, suite à des problèmes de PC, je n'ai pas pu donc faire une nouvelle chronique, malheureusement. Donc j'ai repêché dans les anciennes chroniques que j'avais fait. Je remonte à... Je ne me souviens plus de la date à laquelle j'avais fait. Donc je vais vous parler du groupe... Du groupe 52's. Il va vous lâcher la grappe. Il va... Allez, B52. Allez, allez. Alors donc, le groupe 52's, c'est un groupe qui trouve son origine à Athens, en Géorgie. Donc un groupe américain qui, qui s'est formé dans le milieu des années 70. Apparu évidemment au cours de la vague de la musique New Wave. Donc toujours dans la fin des années 70, autour de Fred Schneider, avec le guitariste Ricky Wilson et le batteur Keith Strickland. Ça fait... Non, ça vous évoque rien, c'est pas grave. C'est bien. Non, depuis un an, on a dormi, donc on est frais, on est une page vierge. Bah, vous vous rappelez il vaut mieux, parce que si on se rappelle de tout. Non, mais c'est bien. Ouais. Si, bon, c'était le batteur, c'était un tel. En fait, le mec qui refait cette comédie, putain, vous l'avez pas retenu l'année dernière. Non, je vous la referai l'année prochaine. Ouais, c'est parce qu'il me semblait bien qu'on avait des connaissances là-dessus. Mais je te rassure, pour les chroniques ciné de Sherlock, c'est pareil. Oui. Sauf Tibbitt. On s'appelle de Tibbitt. Ah, c'est vrai. Jim, de son prénom. Non, John. John Tibbitt. Je confondais. Oui, pas confondre avec John Birut. Ou Antoine Fuqua, vous vous souvenez aussi assez facilement de lui. Il y a les rage au ventre. C'est ça, ouais. Ouais, le big hole. Il a laissé des traces, lui. Hein. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que les auditeurs, là, savent pas de quoi on parle. On expliquera. On y reviendra. C'est un bon moment, ça. Alors, donc, le nom B-52, de quoi c'était venu? À l'origine, le plus probable, c'est que ça a fait référence au bombardier américain, la Stratofortress, la B-52, évidemment. Mais il y a d'autres versions qui disent aussi que ce serait emprunté tout simplement l'argot américain des États du Sud, qui font référence aux fameuses choucroutes capillaires arborées par les deux chanteuses Kate Pearson et Cindy Wilson, qui étaient d'ailleurs la sœur de guitariste. Et pourquoi B-52 alors? C'est quoi le rapport avec les choucroutes capillaires? Justement, alors ça, j'ai pas trouvé de logique dans l'explication. D'accord. Donc moi, je resterai sur la Stratofortress, tout simplement. Alors évidemment, ce qu'on se souvient dans le groupe, c'est un groupe assez déjanté, c'est donc les choucroutes capillaires des deux chanteuses. Alors pour le groupe qui était peu expérimenté à ses débuts, évidemment, jouait la plupart de ses premiers spectacles avec des guitares préenregistrées ainsi que les percussions. Alors ils ont produit évidemment, et ça c'est incontournable, un premier single qui s'appelait ça, je vais vous passer, vous allez vous en souvenir, en 78 avec Rock Lobster. The beach. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock. Donc ça c'était leur premier titre, hein, évidemment, et puis un premier succès aussi. Et en 79, donc ils ont publié un album du même titre, Sepultura. Je te coupe, ça veut dire quoi lobster? Lobster, c'est un homard. Bah oui. D'accord. Ouais. Le homard rock. Le rock de homard. Non, le rock du homard. Ouais. Ouais. Non. Mais oui. Ouais, et ouais. Donc le premier album, donc self-titled, hein, donc B-52s, avec une collection de chansons tout aussi dansantes et étranges que ce premier titre, évidemment, qui a connu très rapidement un grand succès, avec entre autres une version donc retravaillée de Rock Lobster, celui qu'on vient de passer, et évidemment un deuxième titre qui a fait le tour de la planète, tube international avec Planète Claire. Bah oui. Ça n'est pas sans forcément rappeler, et on en avait parlé, d'un des titres qu'on entend dans les... Dans les Blues Brothers. Dans les Blues Brothers. Alors, C'est Peter Gunn. Peter Gunn. Peter Gunn, ouais, ah, il y a un petit côté. Ouais. Oui, qui était une série, hein, Peter Gunn. Mm-hmm. Oui. Mais pas le titre. De quoi? Pas le titre. Bah, la série, oui, Peter Gunn, mais le titre, c'est pas la série. Tu l'entends pas dans la série. Non. Bon, c'est tout. Coupe ton micro. Ça va aller. Alors l'année suivante, ils ont sorti un second album qui s'intitulait Wild Planet et qui a très rapidement atteint le top 20 aux États-Unis au niveau des ventes d'albums. Alors pas trop d'intérêt, il n'y a pas eu de titre émergent de cet album, notamment pour l'Europe, qui nous est marqué. Alors il y a eu un autre album après qui s'appelait Party Mix, en fait, une compilation des deux premiers albums du groupe et qui sera édité lui en 80. 82, un autre album Mésopotamia. Alors c'est là qu'on voit que le groupe a quand même essayé de continuer de s'lancer. Il y a quand même eu de la difficulté à continuer justement sur cette lancée et de refaire des tubes comme les précédents que je vous ai passés. Donc en fait, effectivement, ça vous l'avez remarqué, ils se sont essayés, ont fait une incursion dans l'univers de la musique électronique. Ah ouais, ouais, ça s'entend quand même. Hein. Alors il y a eu également un album solo de Schneider, en fait en 84, qui s'appelait Fred Schneider and the Shake Society. Pas de grand succès non plus, donc le groupe est retourné très rapidement là en radio pour de nouveau enregistrer un album ensemble. Et cet album s'appelait Bouncing Off the Satellites, qui sortira lui en 86. Donc en fait, au niveau du groupe, très rapidement, on arrive à la moitié de l'année des années 80. Pardon. Alors le 12 octobre 85, Ricky Wilson meurt des suites du sida. Et pas de bol, et oui. Et le groupe est alors incapable, et c'est là qu'on voit un petit peu, comme quoi parfois tout tient un peu. Le groupe est alors incapable de faire la promotion du nouvel album et s'isole pendant les années suivantes. Il faudra attendre donc 89 pour que les B-52s reviennent au devant de la scène avec un titre qui s'appelait Cosmic Sin. C'est de quand ça? 89. Ouais, c'est bizarre, je connais moins. Ouais. Vous connaissez? Non, moi ça ne me dit rien. La voix est reconnaissable. Mais ceci dit, je l'aurais entendu, on m'aurait dit c'est qui, j'aurais dit les B-52. Ouais, ouais. Ça c'est que c'est clair. Ouais, je sais. La voix de Kate Pearson et le style, on le ressent bien. Absolument. Kate Pearson d'ailleurs, de toute façon, ça je ne l'ai pas mentionné, peut-être mentionné la fois dernière aussi, au niveau des incursions de duo, puisqu'on en avait parlé, qu'on retrouve avec le groupe R.E.M. bien sûr dans le titre Shiny Happy People. Oui, et la voix bien distincte de qui. Alors bon, évidemment, donc c'est un titre qui a quand même beaucoup moins cartonné que les deux précédents, hein. Ça c'est indéniable là-dessus. Alors marqué par la production donc de Don Was et Nile Rodgers, c'est quand même quelqu'un qui est Nile Rodgers, hein. L'album est à l'origine de plusieurs singles, dont le festif Love Shack. Eh oui. Ah ouais. C'est surprenant de demander si c'était une reprise parce que ça ne regarde que moi, mais je dis quand tu vois l'écriture, on adore pas les B-52, mais quand tu vois The Obstack, c'est complètement un univers différent, c'est une écriture différente, il y a une couleur là-dedans de groove, de machin, de musicos, il y a des musicos là-dedans qui t'écrivent un truc, et en fait B-52, je connais pas tout loin de là, mais quand t'entends ce qu'il y a avant et ce qui va certainement suivre après, il n'y a jamais eu cette couleur, parce que ça c'est un monument cette chanson, c'est un monument, et acoustiquement on aime ou pas, mais c'est un monument. C'est bien écrit. Voilà. C'est pour ça que, comme je le disais, effectivement, depuis 85, avec la mort de Ricky Wilson, en fait, le groupe était totalement incapable de s'autoproduire. Ouais. Donc là, on le voit au niveau de la production, bah, derrière, comme je l'avais nommé, on a Don Was et Nile Rodgers. Nile Rodgers, qui est quand même connu dans le milieu de... Ouais, qui est revenu... il a produit de nombreux groupes. Il y a quelques années avec les Daft Punk. Oui, absolument, ça. Entre autres. C'est fou. Il a produit même des styles totalement... En fait, faisait partie du groupe Chic. Ouais, c'est ça. Puisqu'il a même produit, je vous dirais, dans une, un style totalement différent, en 82, le deuxième album des Stray Cats, qui n'a rien à voir avec ce qu'il faisait. Voilà. Alors bon, bah, donc effectivement, hein, ça ressort un petit peu plus de ce qui avait pu être fait précédemment. Hein. On avait également un autre titre. J'avais ça, à mon avis, vous devez le connaître, celui-là, Channel Z. J'aime bien celui-là. I am living on Channel Z. Parle moins. Ouais, beaucoup moins, ouais. Bon, il y a eu d'autres titres hein, qui ont franchement beaucoup moins de succès. Bon, peut-être je conçois par rapport à Love Shack. Channel Z était passé énormément sur la chaîne à l'époque MTV. Mais ils ont des femmes dans le groupe ? Ils ont des. Ouais, il y a deux femmes. Ah oui, il y a deux femmes, deux chanteuses, oui. Je me souviens plus trop. Ah oui. si, mais tu ne vois qu'elle d'ailleurs. Oui, oui. Ouais. Bah, surtout Kate Pearson avec ses cheveux rouges. Ah ouais, ouais. Roux, rouge même. Ouais, ouais c'est ça. Presque à cajou, tout à fait. Ah si, mais il faut que tu tapes sur internet, tu tapes. Avec des vidéos à la mesure du groupe et de. Ouais, c'est complètement délirant. C'est, ouais, mais j'aimais bien. Ouais, c'est clair. Hein, donc bah voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu une idée. Donc en fait la carrière ils sont très vite montés. Il y a eu un creux important, on l'a vu, hein, notamment en 85. Il aura fallu attendre quand même la fin des années 80 pour les revoir émerger à nouveau avec ces deux titres là. Alors vous allez me dire depuis qu'est-ce que font les B-52s? Désormais le groupe s'appelle The B-52s. Ouais. Ils n'ont pas fait grand chose sauf en 2008 ils ont sorti un album que je n'ai pas eu l'occasion d'écouter qui s'appelait Funplex avec un single du même titre en fait. Mais depuis, plus grand chose. Quoi. Voilà. Alors, malheureusement. On peut dire aussi que dans les années 90, ils ont quand même fait la BO du film Les Pierres à Feu. Ah oui ? Ouais. Et ouais. En même temps, Kate Pearson, elle avait un petit peu la coupe de Vilma Pierres à Feu. Ouais. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça s'appelait The Flintstones, le titre. Oui, Flintstones. Il vaut mieux pas l'écouter d'ailleurs. La famille de Marvel. Bah après, quand tu cherches à faire un truc qui est déjà commercial à la base, c'est plus compliqué. Ah, de toute façon, ça n'est ni plus ni moins que le générique du dessin animé. Donc, ils ont repris le générique du dessin animé. Donc, ça commence comme ça, normalement. C'est ça. C'est ça. Je suis en train de regarder. Tu me disais la rousse, là, donc je ne les reconnais pas, quoi, mais ça fait un peu Famille Adams parce que c'est vrai que la blonde. Ah, La blonde, c'est impressionnant. Et ça, tu vois, quand on en parlait la fois dernière, ça, c'est déjà franchement un look plus limite psychédélique, c'est plus 60s. La blonde, ça fait un petit peu Elvira, maîtresse des ténèbres. Mais maîtresse tout court, quoi. Mistress of the Dark. Ça me fait penser à tourner. Et c'est pas loin. Bon, en tout cas, merci à toi, Flipkat, hein, pour cette belle rétrospective. Évidemment, des B-52s. Ouais. J'espère que ça va rappeler de très très bons souvenirs donc à nos auditeurs. J'imagine bien. Mm-hmm. Ce qu'on peut peut-être se faire, c'est se faire un titre des B-52s. Love Shack ou Planète Claire. Planète Claire est plus années 80. Ouais. Hein, on se fait un petit Planète Claire. Coquille que t'en penses. Ouais, si tu veux, pas de problème. C'est clair. Voilà, c'est clair, Planète Claire. Allez. Ah ouais, et dis donc, vous avez mangé un clown ce soir là ou quoi ? Pourquoi ? Je sais pas. Non, je parle pas de toi, Denis. Bon, ça serait pas de poser la question. Que c'est pas manger que tu fais, toi, les clowns. Je les mange pas. Je fais pas tout ce que je veux. Les clowns, je les mange pas, je les suce. C'est pas moi qui parle. Donc je confirme, Canon a mangé un clown. Mais il l'a pas digéré encore. Ah non. Eh ben, on va donc s'écouter Planète Claire des B-52s et ensuite. On va revenir sur Daryl Hall avec Man Eater parce que c'est son anniversaire également aujourd'hui. Oh, bah, bon anniversaire Daryl. Hein. Parce que Daryl Cole ne chante non, pas. Non, pas Daryl Cole, non, Daryl non, Cole. Il fallait dire Barry. Allez, c'est parti. Salut, c'est Thierry Pastor, retrouvez-moi sur RQC 95 FM. À bientôt. J'adore Thierry Pastor. Ah, l'Italie. Pourquoi tu parles d'Italie, toi? Non, rien, je parle d'Italie. Alors, il nous fait, il non, fait des trips hors antenne, là, mais. C'est pas un trip, on non, comprend rien non. C'est la réalité. Dis-toi. On y savait peut-être en parler. Non, pas du tout. Non, je voulais parler d'Italie. J'aime bien l'Italie. Bon. Les pâtes. C'est ça, Claude Barzotti. Ah oui, les pieds. Je suis Italie, je le reste. Non, tu m'as dit les pieds, les pâtes, les cuisses. Bon, les gars, quelques actualités quand même assez sympas. Il y en a une qui me tient à cœur, évidemment. Puisque... Les gars, on a une femme. Hein. Il va falloir trouver. Les gars, les garces. Les garces. C'est comme ça qu'on dit. Eh ben, ouais, oui. Bah, absolument. Oui. Ah, oui, mais c'est ça, hein. Les gars, les garces. À voilà. Cause des garces. C'est Oui, donc effectivement, donc, si vous aimez, vous savez, les salons commerciaux ou ce genre de choses, eh ben, y en a un qui va avoir lieu donc, à la fin du mois, donc le 28, le 29 et le 30 octobre, donc vendredi, samedi et dimanche, de 10h à 19h, c'est gratuit. C'est le salon commercial de Waterloo, donc dans lequel vous avez, alors il y a tous les stands autour de l'habitat, les métiers de la bouche, la mode, la voiture. Tais-toi. Tais-toi, Canon. Tais-toi. Pourquoi quand j'ai dit métier de bouche, là, tout de suite. Il y a des voitures. Ouais, voilà. Donc, la mode, les voitures, le vin, l'artisanat, enfin bref. C'est un salon commercial qui est assez sympathique et qui existe quand même depuis plusieurs décennies. C'est érotique. Alors, je vous en parle parce qu'effectivement, en partie, je ferai la présentation donc de tous les stands et puis des animations. Et ça va pas être triste, à mon avis. On sera deux, puisqu'il y aura aussi Hervé de la troupe Évasion. Donc, voilà. Donc, je voulais vous en parler. Donc, c'est le 28, le 29 et le 30 octobre donc 2016. Et je vous en reparlerai donc dans les prochaines émissions, bien évidemment. Un autre truc rapide, allez hop, les fous rires garantis, vous vous connaissez. Alors, je crois que là. La vitesse où tu parles, c'est rapide, hein, je te le dis. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais, moi, je peux parler un petit peu. Non, mais je passe. Alors. Ouais. Vous connaissez pour les auditeurs. Fou rire garanti. Ouais, alors bien évidemment, c'est notre ami Laurent Arduin qui organise ça. Donc c'est la 9e édition. Ouais, semblant de rien. Et donc tous les ans, donc il y a sur Moucron donc un événement qui s'appelle Fou rire garanti. C'est tous les humoristes du moment qui viennent se produire au Marius Taquet. Ouais, et il fait venir quand même du beau monde. Alors vous aurez par exemple, alors il faut savoir qu'il y a une formule qui reprend donc on va dire un pack pour aller voir donc tous les artistes. Mmh. Et ensuite vous avez les off, d'accord, donc qui font pas partie du pack parce que bon, ce sont des artistes qui sont à part. Vous avez par exemple dans le pack, vous avez Willy Rovelli, je sais pas si vous connaissez. Ouais, ouais voilà. Merci. Donc il sera le 20 novembre donc 2016 au Marius Taquet. Il y aura Jarry. Oui. Jarry, donc lui il sera le 29 janvier 2017. Alors il y aura, alors je sais pas, je ne connais pas, PEP. Non, PE, ça s'écrit PE, alors je ne connais pas du tout. PE. Bah ouais, écoute, bah, je ne connais pas. P-E. Je ne sais pas qui c'est, si on peut aller à l'info, mais PE. PE. En fait, on en sait peu. Je suis payé cher, mais j'en fais peu. Alors c'est PE ou PE, je ne sais pas, ou P. J'en sais rien. Ouais. Son spectacle s'intitule Optimiste. Donc c'est le 5 mars. Donc petit Pierre Emmanuel, il s'appelle. Ah ouais, d'accord. Donc PE. Alors un artiste belge. Voilà. Donc c'est le 5 mars 2017. Il y aura Marc-Antoine Lebré. Oui, l'imitateur. Voilà, il est très bon, j'adore. Très bon d'ailleurs. Donc il sera là le 16 mars 2017. Il y aura Julien Courbet. Ah oui, c'est vrai qu'il fait un one-man show. Eh ouais, one-man show. Donc le 21 avril 2017. Au mois de mai, il y aura Issa Doumbia. La cigogne. Voilà, tu pourras lui demander si il fait la cigogne ça ou pas. Ça va jusqu'au mois de mai quand même. Ah ouais, ouais, ah, mais non. C'est beaucoup plus concis. Ah non, pas du tout. Ah, oui, non, ça s'étale sur plusieurs mois. Alors en off, vous allez avoir les caves. Tiens, dis donc, le 11 décembre 2016. Les frères Taloche. Ouais. Donc une pièce qui a tourné sur Paris et qui fait toute la France maintenant et qui et la Belgique d'ailleurs. Et la preuve, c'est qu'ils seront Marius Taquet donc le 11 décembre 2016. Il y aura Steven et Christopher. Nos amis lillois. Steven et Chris. Les jumeaux, c'est les jumeaux. Ouais. Ben oui, les jumeaux, avec leur spectacle Ni l'un ni l'autre, donc le 12 février 2017. Et le 2 avril 2017, les 400 voix, avec notre ami Fabien Lecastel. Ah, bien. Entre autres, il y aura aussi, alors, je crois qu'ils sont quatre, hein, donc il y a Fabien Lecastel, il y a Yann Lambif. Ou Lambief, j'écorche peut-être son nom, et puis deux autres. Mais alors, c'est écrit tellement petit que c'est impossible de le lire. Puis à 40 ans. Non, mais sérieux, regarde, tu dis l'affiche, c'est impossible. Si t'arrives à le lire, bon courage. Et puis Steph, à 40 ans, ça commence à baisser. Non, bah, je demande à Charlotte, tu fais le malin. Tiens, lis la pub moi, et tu vas voir. J'ai 40 ans. Laurent. Champ de Merle. si, Laurent Champ de Merle, parce que il était passé. Oui, à l'époque, c'était Graines de Star, il me semble. Oui, c'est possible. Ouais, Laurent Champ de Merle et le dernier, par contre. Il y en a trois autres. Hein. Ouais, donc ça va, donc c'est pareil. Donc ouais, tu vois aussi bien que ouais, ouais. Non, mais c'est. De toute façon, vous allez sur internet, vous regardez Fou Rire Garanti et vous aurez toutes les infos concernant donc cette nouvelle saison, donc 9e saison quand même. Franchement, ça va être sympa. Alors le premier commence le. Rappelle-moi. Alors le premier c'est le 20 novembre avec donc, Willy Rovelli. Rovelli. Voilà, et ensuite il y aura Jarry, il y aura Pierre Emmanuel, Marc-Antoine Lebré, Julien Courbet, Issa Doumbia, les caves avec les frères Taloche, Steven et Christopher et les 400 voix. Bon, c'est une belle programmation cette année, on va encore bien se marrer, donc n'hésitez pas à aller à l'info. Si vous voulez vous abonner d'ailleurs aux 6 spectacles donc, dont je vous ai parlé, c'est 115€, donc c'est raisonnable. Hein. Ah c'est ouais, pour 6 ouais. C'est bien. Ouais. Donc voilà. D'accord. Okay. Bon, on peut peut-être relayer l'info. Ah bah oui, mais complètement. Si on a une affiche un peu plus grande. Ouais, non, mais c'est parce que là, j'ai retrouvé ça dans le programme des Hurlus, donc la fête des Hurlus, donc évidemment c'est... Donc dès demain, Rive va vous relayer la faux. Ça marche. Vous trouvez ça. Ça marche, voilà. Je vous ferai un article de rien que pour vous. Ouais, merci, tu peux me dire tu. Tu bon. Fais chier. Ouais, je sais, c'est ça. Mais moi aussi, je t'aime. Tu voulais nous parler de la troupe Évasion Spectacle tout à l'heure. Oui, alors on a quand même vécu comme on peut en parler. On est monté sur scène dans une salle qui est ma foi fort sympathique, qui est la Luna à Maubeuge. Devant un parterre de près de 600 personnes attablées hein, quand même, donc ça fait du monde, ça fait beaucoup de monde, puisque c'était le congrès donc ODP, donc c'est l'œuvre des pupilles, donc pour les des pompiers, voilà, donc c'est pour les enfants dont les parents ils sont morts au feu, voilà, tout simplement. D'accord. Donc les bénéfices ont été reversés pour ces enfants là. On a eu l'occasion donc de faire un spectacle avec la troupe Évasion. Ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça s'est très très bien passé. Donc belle salle, belle prestation. Hein. Belle prestation. Je pense qu'on s'est bien démené. Et puis alors, on a bien répété. Donc ça, je peux vous le dire. c'était long. C'était long, mais c'était bon. C'était bon. On était là. En gros, pour les auditeurs, c'est qu'en général, on répète pour faire des balançons. Les chanteurs, c'est bon, voilà, une heure tous ensemble. Les danseurs, ça répète une heure parce qu'on a répété. Mm-hmm. Donc, on est simplement pour le chasser. Là, on a décidé de répéter. Ça a été un peu long. Ah, on est parti. 14h30 voilà, à 19h, quoi. On est arrivé à 11h30 à Waterloo. On est rentré chez nous à 4h30 du matin. Ah ouais, c'était un truc de fou. C'était assez sympa. Et ceci dit, après, en clôture de spectacle, on a eu la belle aventure quand même de rencontrer, alors en tout cas d'écouter, oui, donc un disque, le saxophoniste, oui, mais c'est moi je parle ah, oui, dans un premier temps donc du disque jockey, donc Timothée Milton. Qui fait parler de lui puisque c'est quand même le disque jockey donc officiel du LOSC, et il vient de signer avec donc la maison de distribution Sony, donc je pense qu'on va entendre parler de lui. Ah, mais il envoie un petit peu, hein, il envoie, ouais, il envoie pas mal. Il y avait une chanteuse, une merveilleuse chanteuse qui reprenait les titres derrière, ouais, alors des titres connus mais avec la musique d'aujourd'hui, enfin c'est vraiment sympa, vraiment le truc super sympa, et un saxophoniste, mais alors, Antoine Foster, ouais, hein, qui a d'ailleurs fait un succès il y a 2-3 ans, un titre qui est passé dans les boîtes, Antoine Foster, qui joue actuellement avec Collectif Métissé, bon, on aime ou on n'aime pas évidemment, mais et qui à la base qui est fatigué parce qu'il tourne partout, mais il est adorable, mais il est fatigué. Mais un saxophoniste hors pair, vraiment. Ah, il faut être honnête, il joue bien. Vous imaginez, enfin vraiment ce genre d'ambiance, il y a le DJ hockey, donc on se dit ok, non, mec, il arrive avec son sax, ton, vous imaginez, ah ouais, mec, et la blague derrière, qui commence à envoyer, et ça fait le show. Ça fait, bon, on a un peu l'habitude d'entendre quand même ici ou ailleurs des gens chanter, et on était tous les deux avec un verre à regarder pendant 10 minutes, et quand ça joue, c'est de la boîte de nuit, mais c'est, il y avait les 300 étaient debout en train de danser. Il les a fait, ça, franchement, énorme, ça bougeait. Énorme. C'est fort, juste avec un saxo. Et Une chanteuse et le mec qui mixe, mais le mec en plus, il a le son, mais il mixe vraiment, c'est vraiment un bon. Moi, je vous invite quand même à aller voir donc Timothée Milton. Il y a une belle actualité, et alors évidemment, alors moi je me suis renseigné sur Antoine Foster, on le voit partout. On le voit partout. Il fait vraiment à la fois dans le classique, dans le dance, dans le moderne, dans tout. Enfin bref, il a une belle actualité. Je pense qu'il joue. Hein. Il doit pas être souvent chez lui. Tu te souviens, on discutait de. Enfin, moi j'ai connu quelqu'un en flûte traversière. On parlait de DE. DE, c'est un diplôme d'État. Alors tout le monde dit c'est quoi ? C'est un des plus hauts qui fait rentrer dans tout ça. Donc il a un diplôme d'État. Ça veut dire que voilà, il peut enseigner la musique parce qu'il a une culture de la musique. C'est comme un gars des arts martiaux, quoi. C'est un prof 6e dan. Il peut lui-même transmettre et apporter quelque chose à la musique. Et c'est vrai qu'on le voit, on se dit, le mec, il est complètement jazzy, il arrive avec son jazz, qu'est-ce qu'il va faire en techno ? Ouf, quand il envoie en sax, il fait pas semblant que des sons, hein, il joue sévère. Hein. J'aimerais bien qu'un jour il puisse venir nous voir, il habite sur Paris, donc c'est un peu compliqué. Il va peut-être venir nous voir aussi. Hein. ça serait moins sûr. Ça serait moins sûr. Il va peut-être un jour venir me voir. Ah oui, oui. Non, mais ça serait bien qu'un jour il puisse venir nous voir. Ah oui, carrément. Et te voir en même temps. Flip 4, non. Ah, Sherlock. Oui. C'est à toi de bosser là, mon ami. Il est 22h passé d'une minute. Allez, c'est parti. Non, le Zeus! Ça fait... Je fais le chien, moi. Copernic. Je sais pas, c'est Einstein. Ça dépend, on est en 85 ou en 55 là? En 55, c'est Copernic. Ah ouais, nom de Zeus, Copernic! Je sais Princesse Léa. Oh non, merde, elle est dans tous les films. Bah non, elle a pas fini, ça fait une heure, c'est avec Chewbacca. Je veux de la créer. Donc oui, là c'est le Ciné Rétro 80, donc j'ai regardé un film cette semaine, donc forcément des années 80. Là c'est l'année 86 et je vais essayer de vous le faire deviner, chose qui ne va pas être très difficile je pense, vu le carton qu'a fait le film au cinéma. C'est ma plus belle année en plus, 86 87 ouais, 86. Ah, c'est ma plus belle année. Alors le 10 septembre 86 exactement. Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà? C'était un mercredi. Oh, arrête. On sait jamais. Est-ce qu'un jour ça va nous dire quelque chose, la date d'une sortie du film? Tu me diras 26 juillet, écoute, c'est le jour à l'année. Écoute, mais... le 11 septembre 2001, est-ce que tu sais ce que tu étais en train de faire? Ben oui, absolument. Et ben voilà. Mais peut-être qu'il y a un film. Ben oui, et peut-être qu'il y a un film qui t'a marqué à tel point que tu te souviens encore de ce que tu faisais ce jour-là. Ouais. Donc c'était telle date, et, voilà. Et moi je faisais des, j'étais dans un parc et je faisais des tours en tourniquet. D'accord. Ouais. Ok, donc en 86. Hein. Non non, je parle en 2001. En 2001. Le 11 D'accord. Septembre. Le 11 septembre. Moi, je me disais chez Walibi. Ah ouais, et je faisais les tourniquets. Ah ouais. Moi, je me t'as disais... fait deux tourniquets. Ouais, ouais. C'est ça. Moi je me disais, je vais réussir dans la vie, tu vois, je suis en train d'écouter tes chroniques. <tu vois. rire> Salaud, tu sors. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que là, c'est un peu compliqué. Le film est tellement connu que, bon, il a fait 1 756 339 entrées au box-office français. D'accord. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est bien à l'époque. Quand même. Il a eu 11 prix, dont un Golden Globe et 20 nominations. Waouh! Ah oui, donc ouais, mais il n'y a eu que des nominations, donc il n'a pas eu... Il a eu des distinctions. Des distinctions. Ouais, ouais, 11 distinctions. Ah oui, il les a eu. Ah oui, d'accord. Il a eu 11 distinctions. Il a eu 11 prix différents, dont un Golden Globe et 20 nominations. Vas-y, bah vas-y. Ouais. Alors, on va le trouver. Ah oui, bah, c'est forcément. C'est un blockbuster. Ou alors, c'est un... Attention, la musique est de Quincy Jones. Ah, bien. Ah oui. Alors, je vais vous passer le premier extrait. Est-ce que c'est tiré d'une comédie musicale? Pas du tout. D'accord. Alors, ouais. Le premier extrait, ça a sorti ça, ouais. C'est une chanteuse qui s'appelle Tata Vega, ouais. Et qui chante « Maybe God is trying to tell you something ». Tu ouais. Parles bien néerlandais, j'aime bien. Laisse un peu en fond. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, vas-y, Canon. Donne-moi un indice. Donne-nous comme un... tu dis, ouais, un indice, c'est compliqué parce qu'il est vraiment le moindre indice. Attends. Vas-y, continue. Je vais essayer de te trouver un indice qui tient la route parce que. Alors, donc, je vais vous donner quelques noms d'acteurs et d'actrices. Il y a Margaret Avery, Laurence Fishburne, Okwaza Buzia, donc c'est un nom de femme. Ouais. Oprah Winfrey. Ah ouais, d'accord. Ray Dawn Chong. La présentatrice. Ouais, la présentatrice, ouais, ouais. Ray Dawn Chong, Adolf Caesar. Je vous donne tu m'as fait peur. Adolf que... Non, Adolf Caesar. Je vous donne que cela, les deux plus connus, je vous donnerai après. Est-ce qu'une des actrices principales a eu dans un autre film des dons médiumniques? Oui. Ah, mais c'est un film très triste. Oui. Ah, mais c'est rare. Oui, c'est très triste. Est-ce que. Est-ce que c'est un rapport avec comme ça. Une teinte? Ouais. Ouais, ouais. Et si par exemple je te disais n'en dis pas trop, je vais passer le deuxième indice. Le pote à Martin Riggs. À Martin. Oui, ouais, ah, ouais, okay, exact. D'accord. Alors, je vais vous passer le deuxième extrait. Écoutez, justement, c'est le pote à Martin Riggs oui, qui parle. Oui, d'accord. Ah, terrible. Alors, c'est un extrait de dialogue, écoutez bien. Je voudrais marier votre Nettie. Il me faut quelqu'un tout de suite. Ah, y a personne chez moi qui s'occupe des gosses. Et ça se bat, bien sûr, ça se met en sang ou même parfois ça fend du vomi par terre. Et moi j'ai la ferme sur les bras. Vous savez, Je la soignerai bien, votre Nettie. Je peux pas vous la donner, ma Nettie. Elle est trop jeune. Mais vous savez pas, je peux vous donner ma Célie. C'est l'aînée, d'ailleurs. À elle de se marier d'abord. Elle est pas neuve, mais ça, vous devez bien le savoir. Elle a déjà porté deux fois. Célie, elle est moche, mais c'est pas une feignante à l'ouvrage. Et elle a de la tête. Et puis, grâce à Dieu, elle prend plus. Vous pouvez y faire tout ce que vous voulez, c'est pas elle qui vous fera une bouche de plus à nourrir. Ouais, c'est horrible, les dialogues. C'est... Ah oui, c'est horrible. Bon, c'est... alors, c'est j'ai coupé entre deux parce qu'il y a des blancs, hein, donc. Il y a pour, des blancs, pour dire... c'est vrai qu'il y a des blancs. Il y a pas beaucoup de blancs dans le film. Ouais, aussi, ouais, ouais, non. T'es un peu cotonneux. C'est ça. Ouais, ouais. Alors, non, non, mais j'ai raccourci un peu. Alors, tous les dialogues sont là, mais j'ai raccourci niveau temps parce que ils mettent des secondes où ils parlent pas entre deux, donc tout ça, je le retire, hein, forcément, pour essayer que ça fasse plus radiophonique. Alors, je vais vous repasser un autre extrait, toujours de Tata Vega, donc qui chante, c'est elle qu'on entend dans le film, et le titre c'est Miss Celie's Blues. Donc c'est par rapport au nom de la fille qui doit se marier. Ouais. Alors Onissa, ça te parle ou pas? Ben, j'espère. Faut demander est-ce que t'as un indice? Est-ce que tu peux essayer de mettre Flip 4? Je sens qu'il est pas du tout sur le film là. Bah oui, il est encore début, en train de chercher. Bah, t'as dit que c'est plein de noir, non? Ouais, non, effectivement. Alors, j'ai fait Onissa, est-ce que tu peux donner un indice à Flip 4 pour essayer de le mettre sur la voix? Bah, allez, moi j'ai pas deux femmes. Ah ouais, bah ça va loin. Ouais, deux femmes. Ouais, mais moi, c'est comme ça que ça m'a. Ah ouais. Non, deux mais parce femmes. Que je lui disais deux prénoms. Non, c'est pas vrai, tu m'as rien dit du tout. Non, mais tu c'est moi qui t'ai posé la question. Bah oui, et donc je sais. Alors je vais donner donc le nom de l'acteur qu'on a entendu tout à l'heure, c'était Danny Glover. Mm-hmm. Donc qui jouait également dans L'Arme Fatale, donc qui était le coéquipier de Martin Riggs. Il jouait L'Arme Roger Fatale, Meurtre. Ouais. Et il joue le rôle d'un pourri. J'ai passé l'âge de ces conneries. Un pourri de première, quoi. C'est ça. Alors. Qui a réalisé le film? Steven Spielberg. Ah ouais, c'est vrai. C'est Steven Spielberg. Ah ouais. Alors, ah ouais, je vais vous oublié, passer tiens. Un autre extrait de dialogue. Ça va peut-être mettre sur la voix Flip 4. Ouais, est-ce que j'ai fait faux? C'est celui-ci, ça se passe plus vers la fin du film. Écoutez. Dis donc, qu'est-ce qui va pas, toi? Tu n'es qu'une sale bête puante, voilà ce qui ne va pas. Et il est grand temps que je te quitte pour entrer dans la vie. Et c'est ton ventre à l'air qui me servira de paillasson. On parle pas à mon fiston comme ça. Votre fiston? Eh ben si c'était pas votre fiston, il me semble qu'il serait un peu plus potable. Répète. Nettie, ma sœur, c'est toi qui l'as fait partir. Tu savais très bien que c'était la seule personne au monde qui m'aimait. Mais Nettie et mes gosses, ils vont bientôt revenir au pays. Et une fois qu'on sera tous ensemble, on va te foutre une trempe à tout. Alors j'adore. Donc là la voix de l'actrice, c'est pas la voix dont on a l'habitude d'entendre pour elle, mais parce que c'est un rôle sérieux aussi. Ouais, parce que je crois que c'est un de ses seuls rôles sérieux qu'elle a pu jouer. Je pense dans j'en connais pas d'autres. On peut parler de Ghost. Oui, ouais, ouais. Elle joue un rôle sérieux, mais... Ah non, il est quand même assez... assez comique, quand même, comique, dans Ghost, c'est pas quand sérieux. Quand elle doit donner un chèque à la banque, ouais. Non, c'est comique. Je connais... je la vois pas dans d'autres films où elle a eu un rôle plutôt dramatique, je veux dire. Dramatique, voilà. Plutôt dramatique. Et pourtant, Dieu sait que je suis certain, un peu comme Coluche, ça aurait été une actrice, la preuve, dans ce film-là, je suis... Ah bah oui, ouais, ouais. Mais tu l'as vu qu'une fois, je veux dire, quand tu connais l'actrice et que tu vois le talent qu'elle a eu dans ce film-là, tu dis, il n'y a plus qu'à écrire, quoi. Mais je pense que maintenant, elle est peut-être une étiquette, maintenant. Maintenant, je vais vous passer le main title, le thème du film. Très beau. C'est celui-ci. Donc la musique est de Quincy Jones, hein. Je vous le rappelle. Ah ouais. C'est Quincy Jones qui a fait la musique du film. Mais ça, je trouve que ça n'a pas beaucoup de rapport avec le film, en fait. Enfin, Le film est quand même assez, assez lent hein, dans son déroulement. Donc, Alors là, je ne me rappelle absolument pas de la musique. Hein. Donc l'actrice principale, c'est Whoopi Goldberg. Oui, mais justement, je vais vous le chercher, je vois pas quel film. Alors, donc, je vais te dire le pitch du film. Donc, c'est l'histoire de deux sœurs, Célie et Nettie, de couleur noire dans l'Amérique du début du XXe siècle, et de leur famille. Les déboires des deux sœurs du départ, les départs des deux sœurs du départ de Nettie jusqu'à l'émancipation de Célie et les retrouvailles des sœurs. Mm-hmm. Donc là, c'est avec ce qui se passe pour Célie, elle se fait battre par son homme dès qu'elle fait un pas de travers, quoi, elle est battue. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, justement, c'est ça le pire. Oui, puis elles sont battues, mais, enfin, ouais, l'histoire de viol, de donner. Ouais, c'est très noir. C'est très noir, hein, c'est un film très très noir. C'est un truc sur la souffrance. C'est qu'à de le dire. C'est qu'à de le dire. Ouais, ouais. Alors que le film n'est pas sur le noir, par contre. Pardon? Oh, mais non, là, tu parles du titre. Oui, bah oui. Et d'ailleurs, bah, j'ai jamais compris le titre, hein. Ah, c'est peut-être la robe. Disons que Prince aurait pu. Ça a rapport avec la robe. Ah, mais non, je suis désolé, je le vois pas comme ça. Je sais pas. Bah parce qu'on dit, on dit que le pourpre en général, même quand le sang coule ou n'importe quoi, c'est que le pourpre coule de tes veines, la couleur pourpre, celle du sang. C'est ouais. Ah si, bien sûr. Bah je la ramène pas, mais c'est certain que ça vient de ça. Vous avez déjà entendu? Le pourpre qui coule de tes veines. Ouais. C'est le truc cardinal, c'est le sang noir, le sang, c'est la couleur pourpre. Bah tu peux donner la réponse. Canon vient de le dire. Pardon, c'est la couleur pourpre. La couleur pourpre. J'ai trouvé ton film, je suis content. En 7 secondes. Dès la première quand musique. Quand t'as fait ça, je me souviens parce qu'il y a un côté un peu gay au départ, c'est que ça part sur cette innocence des gens. Et en fait, je me souviens très bien quand le truc est tout ça avec sa sœur et ils sont adorables toutes les deux. C'est ça, ouais. Il est magnifique ce film. Alors, honnêtement, le titre, oui, ça me parle, je l'ai déjà entendu, mais je l'ai jamais vu. Eh ben écoute, à partir de demain, tu pourras le regarder si ça te dit parce que franchement, c'est un très beau film. Ouais. Il dure 2h30. Et je cherche depuis le début. Il faut que tu aies le temps de le regarder. Mais revenir à Whoopi Goldberg, elle a dans Jumpin' Jack Flash, elle a quand même un rôle où elle est quand même moins. Allez. Ouais, c'est moins pas dramatique. C'est moins comique, mais non, c'est pas encore dramatique. Voilà. Mais elle est pas dramatique. Moins comique, elle est quand tu te souviens de la couleur pourpre? Ouais. Mais sauf erreur, je pense que c'est un des seuls films qui m'a foutu des larmes aux yeux. Ouais, mais bon. Quand elle est assise, à un moment, ça finit comme ça, non? Elle est assise sur le. Tu l'as vu? Oui, je l'ai regardé cette semaine. Sur le truc du perron et tout ça, non y a, ouais. Et elle attend, tu vois. Ouais. Et je m'en souviens, je l'ai vu il y a 20 ans. Moi, c'est quand ses enfants reviennent, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'au début du film, elle accouche deux fois, donc un garçon et une fille. Ses enfants lui sont enlevés dès la naissance et ils sont revendus par le père de Célie, donc Whoopi Goldberg. Et elle ne les retrouve qu'à la fin du film. Donc 2h30 après, c'est vachement long. Dans une vie, non. Hein. Non. Elle les retrouve. Elle accouche, ils ont 16 ans quand même. Elle les retrouve bien après. C'est par rapport à sa sœur, en fait, Nettie, qu'elle arrive à les retrouver. Donc j'ai relevé quelques anecdotes. Alors c'était pas facile parce qu'il y avait pas grand chose. Le film est inspiré du roman éponyme d'Alice Walker, paru en 82 et récompensé par le prix Pulitzer quand même. Hein. Donc c'était pas non plus un petit bouquin. Le film a d'ailleurs choqué à sa sortie. En effet, le fait qu'un homme blanc et juif, donc Steven Spielberg, réalise une adaptation cinématographique d'un livre sur les populations noires aux États-Unis écrit par une noire est alors considéré comme anormal par une partie des critiques. Oui, mais il y a des gens, tu sais, parfois, que ce soit à la télé ou à la radio, mélangent la politique. Et alors, il faut savoir qu'aux Oscars, le film a été nommé dans toutes les catégories, donc 11 fois. À l'exception du meilleur réalisateur, des acteurs et des acteurs dans un second rôle, ce qui provoqua à l'époque la colère de Spielberg, le film ne remporta aucune statuette. Mmh. Ah, mais parce que justement, c'était un réalisateur qui était juif, et de ce fait-là, il n'a pas été nommé dans cette catégorie. Et on est en 86, hein, faut pas oublier qu'on est en pleine guerre froide. Il faut savoir que l'Est et les États-Unis, c'est très très, c'est pas la même époque. Hein. Mmh. Alors, La couleur pourpre est le premier long métrage de Spielberg dont la musique n'ait pas été composée par John Williams. Alors, j'ai été vérifié. Donc cette fois-ci c'est par Quincy Jones. Les autres réalisations dont la musique ne fut pas composée par John Williams sont des téléfilms, notamment celui sorti en salle Duel. Ah oui. Qui a été composé par Billy Goldenberg. Et d'ailleurs c'est dans lequel on entend AC/DC. Oui. Et c'est d'ailleurs le premier film de Spielberg, mais qui est sorti après son premier succès. Ouais, je pense. Rappelle-moi Duel, c'est quoi? Duel, oh, c'est un gars qui se fait poursuivre par un camionneur. Par un camion. Un camion noir, mais il n'y a personne, il n'y a pas de camionneur. On voit pas, oui. Si, on le voit à la fin, en fait. Ouais. Oui, non, mais sur le coup, on le voit jamais. Et le film n'avait franchement pas cartonné. Il y a eu, donc, je pense, avec Rencontre Troisième Type. Ouais, c'est possible. Et suite à ça, ils ont sorti le film Duel. Mais Duel, c'est un navet, faut être honnête. Bah oui, l'image que j'en ai. Pour le peu de moyens qu'il avait, c'était déjà pas mal fait. Pour son premier film, ouais. Ouais, d'un autre côté, il y avait un suspense. Il y a trop peu de moyens. Il y a trop peu de moyens. Je me souviens du mec qui est en train de regarder le camion, qui est à l'arrêt plus loin, on voit avec le truc et tout ça, qui démarre, qui le suit tout le temps. Je m'étais emmerdé. Donc je vois lequel. C'est un série B quand même. Alors, les autres films, il y a le sketch de la quatrième dimension, dont j'avais parlé il y a pas très longtemps. Kick the Can, donc qui était composé par Jerry Goldsmith. Et le Pont des Espions, qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps avec Tom Hanks, oui. Qui est composé par Thomas Newman, et donc tout ça sur une trentaine de films réalisés quand même, c'est toujours John Williams qui fait les musiques. Ouais, il reprend, et j'ai regardé, il n'y a pas que ça, il y a le montage vidéo, c'est la plupart du temps le même gars qui le fait aussi. Spielberg a toujours l'habitude de bosser avec la même équipe. Alors, il faut savoir que Whoopi Goldberg souhaitait que le rôle de Shug Avery, donc celle qu'on entend qui est Tata Vega en fait, qui chante dans le film, est interprétée par Shug Avery, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, enfin bref, Margaret Avery, je crois. Thanks, Avery. Non, pas. C'est bien. Bon, enfin bref, son mari. Et donc, Whoopi Goldberg voulait que ce soit Tina Turner qui ait le rôle. Et elle avait même dit: If I'm going to kiss a woman, let it be Tina. Donc, si je dois embrasser une fille, il faut que ce soit Tina, quoi. Donc, celle-ci refusa l'offre présentée par Steven Spielberg et Quincy Jones en personne. Ouais. Ils sont allés la voir. Elle a refusé, ne souhaitant pas se rapprocher autant des lieux où elle avait passé son enfance. Ah oui. Ça l'a rapproché peut-être aussi trop de sa vie personnelle. Ouais, c'est ça. Oui, je pense. Ouais. Alors, lors du tournage, Amy Irving, donc à l'époque jeune épouse de Steven Spielberg, était enceinte de leur petit garçon Max. Par coïncidence, elle accoucha alors que Spielberg tournait une des scènes clés du film, celle de l'accouchement de Célie, donc qui se passe au début du film. Il fut donc contraint de quitter le plateau et de passer le relais aux assistants réalisateurs. Donc, lui a assisté à un accouchement, mais le vrai accouchement de sa femme, alors qu'il y avait l'accouchement. C'est là qu'il a écrit Célie. Alors, il faut savoir que Danny Glover, donc qui joue le rôle du mari de Célie dans le film, a eu beaucoup de mal à tourner la scène où Albert, donc son personnage, expulse Nettie parce que c'est quelqu'un qui est pas violent pour un sou. Ah donc oui. Il a eu beaucoup de mal à faire cette scène-là parce qu'il n'arrivait pas à être méchant en fait. Et enfin, bien qu'elle soit également chanteuse, Margaret Avery n'interprète pas elle-même les chansons de son personnage, donc sa voix est doublée par la chanteuse Tata Vega. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Tata Vega, jamais, parce qu'elle chante bien. Hein. Oui, elle chante super bien. Et Margaret Avery a une très belle voix aussi, mais je ne sais pas pourquoi ils ont voulu la doubler dans le film pour les chansons. C'est obscur. Elle avait peut-être pas le grain de voix qu'il fallait justement pour ces chansons-là, mais... Voilà tout ce que j'ai pu récolter. Moi, ça me rappelle des bons souvenirs et j'ai même envie de le revoir du coup. Ça me donne envie de le revoir. Si tu mets, je le regarderai à nouveau. Voilà. Ah ouais, bah écoute, à partir de demain, vous pourrez aller voir sur la page 80 à l'heure sur Facebook ou sur la mienne également. Il faut que t'arrêtes tes chroniques Cinoche parce que quand tu fais tes chroniques Cinoche, tu nous donnes pas envie d'aller voir les films. Par contre, tu nous parles des films d'années 80, tu nous donnes envie de les revoir et on se dit ouais, c'est vrai en plus. Écoute, je vais arrêter mes chroniques ciné s'il faut. Non, mais je pense, t'as raison dans ce que tu dis. Mais je pense qu'un film aussi te marque par l'émotion et combien on a vu de navets, comme tu dis à un moment, on n'en parlerait pas. Et t'as des films parfois, tu dis à la limite, tu l'as subi, mais il y a 3-4 scènes parfois que t'as vu, tu te dis c'est de l'anthologie, quoi. Bien sûr, absolument. Il faut les voir, quoi. Faut les voir. Voilà. Écoute, merci à toi, Sherlock. On va faire un petit tour musical avant de se dire au revoir parce que le temps tourne, évidemment. Moi, j'avais juste une petite info à vous passer quand même rapidement parce que, semblant de rien, vous vous rappelez de Cheryl Marbach. Oui. Ah, qui monte. Et ouais, qui monte bien, ouais. Puisque on l'avait reçu ici dans les studios il y a 2-3 ans pour l'élection donc de Miss Waterloo. Elle était devenue Miss Waterloo il y a 3 ans. Et puis elle a grimpé. Et aujourd'hui, elle est quand même devenue deuxième dauphine de Miss Nord-Pas-de-Calais. Absolument. Bien. Et alors, ouais. Je vais voir personnellement, je vais la revoir au mois de février parce qu'elle va rentrer dans le comité aussi Miss France et tout ça avec les Miss Aluin qui vont revenir vers nous. Donc voilà. Et je suis au courant sur ce vecteur-là. Là, donc je vais la revoir avec Ambre de Surmont. Les noms vont être compliqués là, je vais pas tous les avoir. Ramène les noms sans problème. Elles sont adorables. Et puis c'est des femmes. Franchement, c'est sympa. Si. Oui, non, mais j'ai pas dit non. Je te dis. C'est vraiment, on est là, je crois volontiers. Non, c'est des... Oui. On est tous convaincus. Elles sont adorables, elles sont intelligentes. Complètement. On va se marrer à fond. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Comme d'hab. Je crois que celle qui est moins diplômée, elle a un bac plus 5. Les autres, elle est en études bac plus 7 de trucs de commerce appliqué des entreprises. Ouais, mais bac plus 7 mois. Non, elles ont pas en plus, et voilà, c'est pas du 16-17 ans, elles sont vraiment des femmes. Elles ont en plein la tête, franchement, elles sont bien. Eh ben écoute, ça marche. Voilà. Ok. Sherlock, je vous aime. Oui, bah, une petite coupure. Alors, on était sur la couleur pourpre, un truc assez cool. Purple Rain. Non, pas du tout, j'étais pas parti là-dessus, non. Gérard Berliner avec Louise. Ah, magnifique! Ouais. Magnifique, ça c'est une chanson que j'adore. Tu m'en avais parlé la dernière fois, Canon, il me semble. C'est super gentil, c'est voilà, super donc, gentil. Voilà, je l'ai retrouvé. Je l'avais dans mes titres, mais j'arrivais pas à remettre la main dessus. Oui. Et ensuite, toujours un peu côté nostalgie, Renaud avec Mistral gagnant. Alors pour la petite anecdote quand même, Gérard Berliner, nous étions en contact avec lui il y a 3-4 ans. Il tournait un spectacle qui s'intitulait Victor Hugo, voilà, sur Paris. Et j'avais réussi à rentrer en contact avec lui pour avoir une interview parce que j'adorais cette chanson-là, évidemment Louise, qui a quand même marqué les années 80, hein, semblant de rien. Ah, mais moi c'est une chanson. Et, et donc il nous a répondu. D'ailleurs, je pourrais vous ressortir le message à l'époque en disant ouais, c'est super sympa, machin, pourquoi pas, effectivement. Et ce malheureux nous a quittés quelques mois après. Ouais. Voilà. J'aurais adoré, voilà, ça c'est un truc infantaise, voir Berliner lui dit mais comment tu chantes ça, est-ce que je peux la jouer terrible. Au piano, peux la jouer au piano, tu pourrais la chanter. Parce qu'il avait cette voix. Mais surtout qu'il l'interprète, fallait le voir. Il sort son corps. Oui, il sort exactement. Son corps. Exactement. Louise, j'ai jamais réussi à la chanter, si vocalement j'ai la capacité de le faire, j'ai aucune émotion comme lui pouvait la transmettre. Les gens disent c'est beau, oui c'est beau, mais est-ce qu'il l'aurait pas un peu vécu cette histoire, c'est ça. Je sais pas, oui, par rapport à sa mère, par rapport à des trucs, tout ça. C'est énorme. Vous voyez laquelle? Louise, non, oui, écoute, c'est une chanson, si, mais, si tu l'écoutes vraiment, écoute, tu vas pleurer. Les paroles des gens, écouter déjà les mots, donc c'est il faut le voir, il faut le voir aussi, le voir le chanter, alors le voir dans les années 80, oui. Et le voir aussi parce qu'on le voit, il y a une super vidéo où il le chante chez Patrick Sébastien d'ailleurs dans les c'est années là, bonheur. Exactement. Et c'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Ah, c'est Brel quand il fait Ne me quitte pas. Exactement. Ah, oui. Moi, oui, c'est là, ça, c'est chanter Louise. C'est le bon Dieu qu'il a. Ah oui, absolument. Il est complètement. Écoute avec attention. Allez, bon, on va s'écouter ça alors. Allez, vas-y. S'écoutons-nous. Mais qui a soulagé sa peine? Porter son bois, porter les seaux, faire une écharpe de laine, le jour de la foire aux chevaux. Mais qui a pris soin de son âme et l'a bercée dans son lit, qui l'a traitée comme une femme, au moins une fois dans sa vie. Le bois que portait Louise, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louise, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques, elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route,

à m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants. Les Mistral gagnants de Renaud, donc c'était un peu nostalgique. Hein. Ouais, là, c'était bon. La première, c'était Gérard Berliner avec Louise. Là, c'était spécial dédicace pour Canon qui me l'avait demandé il y a quelques semaines. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Ben, je t'en prie. Et enfin, même si tu m'as pas dit merci, je m'en fous. Je te dis, je t'en prie quand même. je viens de te dire à l'instant, ça m'a fait beaucoup plaisir. Tu m'as pas dit merci beaucoup. Merci. Non, je déconne. C'est beau, l'amour. J'en ai rien à foutre, je l'ai chez moi, hein, je l'écoute en boucle. Mais merci. Voilà. Non, mais je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Tu disais aussi les Mistral gagnants. C'est vrai que j'ai parlé avec une jeune, une petite anecdote. J'ai parlé avec une jeune il y a 2 semaines de ça. On parlait des Mistral gagnants parce qu'elle est en train d'écouter. Elle dit c'est magnifique et tout. Et c'est vrai qu'ils savent pas ce que c'est les Mistral gagnants. Bah, ils doivent connaître Cœur de pirate. Des fois, il y en a qui doivent se dire Cœur de pirate qui chante. Bah, ouais, c'est ça. Je serais pas étonné. Hein. Comme Madhouse avec. Ouais, avec Madonna. Ouais. Non, mais Cœur de. Les Mistral gagnants, vous savez ce que c'est? Les Mistral gagnants. Bonbons, oui, c'est on bonbons, est d'accord. Ouais. Non, mais voilà, comme les Coco Boer ou les trucs mais comme ça. Eux, à leur niveau, Mistral gagnant, ils se disent bon, Mistral, c'est un joli mot dans la chanson. Mais je dis non, c'est les Mistral gagnants, ils s'échangent des bonbons, absolument. C'est rigolo. Absolument, ouais. Absolument. Et d'ailleurs, je passe du coca-lade, mais presque. Non, attendez, non, mais je suis juste. Ça doit faire mal, quoi. Quand même. Je suis outré. Si tu passes du coca-lade, tu dois avoir mal. Ah ouais, non, mais c'est. Ah bah non. Désolé, Canon, je t'ai piqué ta vanne, mais. Je crois plutôt que c'est le coq qui est soulagé. Ouais, ça me rappelle une blague que j'ai entendue sur la route du retour par un gamin en plus. C'est la blague du. Est-ce que tu connais l'histoire du curé? L'histoire du curé qui a sauté une classe. Toute la classe. Oh, non. C'est pas mal. Okay. Pour les fans. Arthur. Voilà. Non. Je suis super outré parce que j'ai entendu un truc. J'ai dit c'est pas possible. Oui. Claude François. Repris par M. Pokora, mais oui, bah, oula. C'est quoi bien. Cette année là? Bah oui, mais. Eh ben, les échos sont bons, hein. Excuse-moi, objectivement. Ah, alors là, j'ai dit, là, c'est pas possible, ouais, le mec, a que ça à foutre. Je sais pas, non, ouais, mais attendez. Est-ce que non, tu l'as écouté? Oui. Bah, Claude François qui a pas fait des bons trucs, c'est non, non bien sûr. Il s'est tellement autoproduit et comme il a écrasé tous les autres et qu'ils étaient 10 dans ses potes à faire les trucs, c'est vrai que quand tu l'écoutes chanter par M. Pokora, tu te dis, c'est vraiment pas nul. C'est vraiment pas nul. Ouais, les échos sont bons. C'est hein. Vraiment. Mais moi, j'aime beaucoup. Franchement. Ouais. Il a réussi à redonner une âme à une chanson qui est pour moi un phénomène. Non, mais ouais. C'est cette chanson, on le sait de tout ça. Mais elle vieillit. Et lui, il a réussi à remettre d'actualité. Pour moi, j'aime bien ces gens-là, mais bien sûr qu'il a changé sa façon de faire. Ça me trouble. Enfin, bah ouais, mais. En plus, les Claudettes, faut voir, elles sont belles. Ah bah, c'est pas que. C'est des pocorettes. Des pocorettes. Des picorettes. Des picorettes. Les cocorettes, ouais. Bon, allez, bon, voilà, c'était juste. Mais tu l'as entendu entièrement? Ah oui. Non, pas entièrement, j'ai pas pu. J'ai capitulé. Non, c'est pareil, j'ai une allergie. Dès que j'entends Claude François. J'ai écouté la première minute. Il plaisante, le mec. Non, mais t'as trouvé ça nul. Franchement, j'aime pas. Ah ouais. C'est parce qu'il a été choqué. Ah mais ceci dit, j'aime pas non plus de Claude François. Mais Ah oui. La chanson d'origine est plus belle. Hein. Ouais, parce qu'il a quand même piqué à quelqu'un, quoi. Ouais. Non mais bon. Oui, tout à fait. Ouais, je le trouve propre, moi. Je le trouve propre. Tu voulais. Oui, il y a un autre artiste par contre que nous on aime et qui a l'unanimité sans problème, évidemment, Onissa. Oui, je voulais absolument parler quand même qu'il y a le concert de Tivoli le samedi 22 octobre, ne l'oubliez pas, au Surcambule, à Herzo. Oui, absolument. Oui, il présentera certainement. Ah oui, il présentera la projection officielle du nouveau clip mon chapiteau. Absolument. Donc il a bien travaillé là-dessus, il a rajouté des percussions, guitare basse et guitare rythmique et tout ça. Ça va être très très sympa. Et en plus, je pense qu'il y aura plein de surprises. Il y aura deux danseuses, dont Cynthia, Cynthia Roger, qui est donc une danseuse professionnelle, qui est en même temps sa fille, mais qui chante très, qui danse très très bien. Et une j'ai plus le nom de l'autre personne, mais qui danse très très bien aussi. Sherlock. Non donc pardon. Non. Non. J'ai pas c'est dit pas très possible. Très très très bien. Non, allez, je trouve que le concept est sympa, quoi. Ça doit donner quelque chose de... Ah oui, oui, non, mais je pense que... Génial, ouais. Voilà, absolument. Donc, Thibauty a noté, donc, c'est le 22 octobre, donc, au Circambule à Herzo, évidemment, il faut y aller. On en reparlera la semaine prochaine, voilà. Évidemment. Oui, bien sûr. Toutes les infos, de toute façon, ça a été mis sur notre page, où on relayera... Où ce sera fait, ouais. Où ça sera fait, ouais. Voilà. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Oui, alors avec un titre dédicace à Flipkat qui m'avait demandé il y a quelques semaines. Ouais, c'est ouais. Les Vagabonds avec le temps des yéyés. Alors, tout le monde va le croire parce que. Je me souviens. Mais je vous pardonne parce que de ce côté-là, ouais, vous n'êtes pas très cultivé. Donc un titre d'ailleurs qu'il a repris à la contrebasse. Que vous pouvez retrouver sur YouTube. Oui, tout à fait. Flipkat. Ah oui, ben vous pouvez y aller. Un cover des Vagabonds qui s'appelle SDF. Avec Flipkat. D'ailleurs, il y a plusieurs photos noires et blancs, vous le voyez en train d'interroger, ouais, c'est ça. Non, même ces quatre, vraiment, pas, non, je si vais rien dire. Vous ne voyez pas, j'ai les originaux, la vidéo, je peux toujours mettre le son. Non, même ces quatre, mais je ne vous dis rien de plus. Non, mais tu ne vas pas nous mettre des Vagabonds quand même. Ouais, si, pourquoi pas. Ah, bah, il va hésiter avec les Forbans quand même. Hein. Ah, ouais. Tu vois, et, ils m'ont fait plaisir en disant j'aurais mis un petit strike-out parce qu'on est en plein dans les années 80. Les ouais. Chose que je ne réclame jamais, n'est-ce pas ah, bon, tu préfères un strike-out alors. Non, mais c'est pas grave, mets ton Vagabond. Mais je peux, mais. Parce que quand, c'est, ouais, pas, ouais. Quand c'est pas les Forbans, c'est les Vagabonds. À ce moment-là, pour ta gouverne, il y a Richie, Jesse Garonne. Ah, mais moi j'aime. Si tu veux, j'ai du Jesse Garonne aussi. Moi j'aime bien. Mais comme on est mardi, ça ne pas le faire. Non, non. Et Jessie Maron, qu'est-ce qu'il y a encore après Pourquoi ça va pas non, le faire pitié, bah, c'est lundi, sa chanson. Dans mon lit. Et alors, oui, et dans la lignée également, il y avait un groupe de blagues qui s'appelait Les Flamants Roses. Les Flamants Roses. Les Flamants Roses. Donc tu vois, si tu veux, il y a de quoi faire. Ah, écoute, il nous fera une chronique. Il y a les Alligators. Ah oui, c'est lui le chronique, s'il te plaît. Tu nous fais une chronique. Non, faut pas exagérer, les gars. Vous en avez fait une. C'est Richie. Et toutes, non, toute bonne chose a une fin. Hein, d'accord. Ok, ça marche. Sauf le saucisson qui en a deux. Bonsoir. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, en hommage à Flipkat, donc les Vagabonds avec le temps des yéyés. Allez, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas représentatif du tout de ce que j'écoute. Hein. Alors, moi, non. Non. C'est une petite partie. On pouvait pas passer les Forbans, les machins, c'est pas possible. Mais non. Bah, le problème, c'est que pour vous, c'est représentatif de ce que j'écoute, mais pas du tout. C'est parce que vous ne connaissez rien. Mais non, mais je vous excuse. Alors, tout droit sorti de la discothèque de Flipkat. Ah ouais. Le des Vagabonds. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Et en plus, excuse-moi, j'allais dire, ça reflète quelque chose, c'est que je vois, au moins ça me prouve une chose, c'est la fréquence de votre passage sur ma page. Ah ouais. Pourquoi? Parce que tu l'as mis cette semaine? T'as une page? Bah non, pas du tout. Oui, ah bah oui, toi hey, justement, te concernant, je pense que toi le premier, tu likes jamais ma page. Si je l'ai liké, le jour où il existait. Ouais, voilà. Allez. Mais c'est pas grave, je note. Allez, envoie tes Vagabonds, on va faire toi en place. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Tu fais ta.